vont tout casser. Très bonne nuit, Sarah. Deux heures, merci d'être à notre écoute. François Lemet avec vous, bonsoir à tous. Le gouvernement Michel tient son accord de Noël, notamment la suite du dossier des caisses enregistreuses dans l'Horeca. Cette boîte noire qui vise à lutter contre le travail au noir ne serait obligatoire que dans les établissements Horeca qui réalisent plus de 25 000 euros de leur chiffre d'affaires via la vente de nourriture. Notons aussi 9 milliards investis à la défense d'ici 2030, 2 500 policiers en plus aussi sur le terrain et encore la réintégration des malades. De longue durée se fera de manière volontaire et sans sanction financière. Dans le secteur des soins de santé, toujours, accord signé pour 2 ans entre les médecins et les mutualités. Ce compromis garantit la sécurité de tarifs pour le patient qui consulte un médecin conventionné. Les honoraires médicaux, par exemple, ne seront pas indexés. 651 migrants sauvés par la marine italienne ces dernières heures. Les gardes-côtes ont mené plusieurs opérations de sauvetage. Les conditions météo particulièrement clémentes pour un mois de décembre semblent avoir encouragé de nouveaux départs des côtes libyennes vers l'Italie. Ce soir, les autorités estoniennes annoncent qu'aucun réfugié présent en Italie ne souhaite venir s'établir dans leur pays, l'Estonie, dans le cadre du projet européen de relocalisation des réfugiés. L'Union européenne avait prévu de relocaliser quelques 160 000 réfugiés. Les réfugiés préfèrent majoritairement l'Allemagne. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel confirme la victoire du parti du nouveau président élu Kabaoré aux législatives du 29 novembre dernier. Le mouvement du peuple pour le progrès a remporté 55 des 127 sièges de l'Assemblée nationale. Cette Assemblée doit remplacer dès janvier l'Assemblée intérimaire mise en place après la chute de Kampaoré, l'ancien président chassé en 2014 du pouvoir par une insurrection populaire. La justice burkinabé a annoncé qu'elle avait lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-président en exil en Côte d'Ivoire. En Tunisie, prolongation jusqu'au 21 février prochain de l'état d'urgence. Il avait été décrété après l'attentat suicide coûtant la vie à 12 gardes présidentiels au mois de novembre dernier. Le pouvoir de la présidence et des forces armées sont donc toujours renforcés. Football, victoire du Sporting de Charleroi à Moucron, Pérou. 0-1, le Sporting remonte à la 7e place à un point du top 6. Il est 2h passées de 2 minutes, retour de l'info à 3h. Très belle nuit à notre écoute. Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. For life. De 2h à 6h avec Cyril. Bienvenue tout le monde, bonsoir, bonne nuit. C'est en direct sur la Une qu'on se retrouve sur Vivacité, sur viva4life.be également pour 17h, 10 minutes et 57 secondes encore. Et je ne suis pas tout seul autour de la table ce soir, il y a Sylvie Honoré qui est là. Vénard. Salut. Je ne suis jamais venu quand vous étiez là, alors il fallait que je reste. Quoi. Eh ben ça me fait plaisir. Parce que demain, vous ne serez plus là. Ah ben, a priori, demain. Donc, à moins que Patrick Bruel n'ait pas donné les clés à Dazzy. Et dans ce cas-là, on est coincé, on reste ici. Anne-Laure Mac Maréchal est là. Appelez-moi Anne-Laure Mac, vous voyez bien que je suis la vraie. La seule. Alors c'est marrant parce que l'équipe du Viva for Life Tour m'a verbatisé Anne-Laure Big Mac tout à l'heure. On peut dire Anne-Laure Macréchal. Macréchal. Ça c'est bien aussi. Mais Big Mac ça vous va bien. Ouais, il y avait Anne-Laure Big Mac aussi, mais bon, Anne-Laure Big Mac alors si vous voulez. C'est, ouais, c'est très bien ça. Olivier Gilles est autour de cette lui-même. Dites en parlant de Mac, j'avais un pion à l'école qui s'appelait Eugène. Et alors son surnom c'était Mac aussi, hein, Mac Eugène. Alors la suite. Il va être long, j'ai l'impression. Oh mais c'est pour aider, attendez, oh là là, si vous saviez, c'est pas enregistré, il est bien 2h. Hein, il est bien 2h, et maintenant bien. Hein. Et même au cœur de la nuit, on a besoin de vous, on a besoin que vous vous mobilisiez pour ces dernières heures de Via for Life. Faut pas se dire que c'est la fin et que du coup on se repose. C'est finalement comme au Tour de France. Vous n'avez pas l'air reposé. Non, je peux vous dire que pas vraiment. Zoé Boss est de retour d'ailleurs autour de la table. Bonsoir, comment allez-vous? Bah ça va bien. Je vous ai vu essayer de partir avec la voiture devant la place de la digue là. Non, c'est parce que Monsieur Maréchal oublie d'éteindre les phares. Alors forcément, c'est le petit personnage. Ce serait dommage de rester coincé ici. Non, voilà, pas du tout. Voilà. Ce serait dommage. Il y a ma télécommande. J'ai vécu l'enfer. Ce sont des ingrats. Je conduis un peu sec sur le virage. Disons une conduite un peu audacieuse qui se prête mal à une camionnette. Et alors, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Donc je le disais, c'est pas parce qu'on est à la fin qu'on relâche tout. C'est comme au Tour de France. Vous voyez, quand les gars arrivent à la ligne d'arrivée, ils donnent tout à ce moment-là. Ouais, c'est ce qu'on tout. Vous demande de faire. 0830 007. Allez-y, appelez. Pas maintenant parce que le call center est fermé. Donc, allez sur viva4life.be. Tout au long de la nuit, vous choisissez les morceaux. Vous mettez bien votre numéro de téléphone pour faire de la radio avec nous. Il ouvre à quelle heure? Parce qu'on peut essayer jusqu'à 8h. Ne vous découragez jamais. Il y a bien un mec qui vous répondra à 8h. Allez, viva4life.be. Vous choisissez la musique comme l'a fait Aurélie de Saint-Médard. Elle a donné 20€ pour pouvoir écouter les Magic System. Merci. Elle dit, mes enfants adorent cette chanson qui leur donne le sourire et l'envie de danser. Bah nous, on va danser ici aussi. Faut les réveiller, hein, sinon ils vont pas l'entendre, le disque. Hein. Allez, on va mettre les réveiller. Allez, on va voir ça. Viva for life. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic System, Rev One, Shaoki. Feel the 0800 30 0800, c'est un numéro qui n'existe même pas, ça. 0800 30 0800. Pas, voilà, mais c'est... Ça va pas, c'est n'importe quoi. C'est les automatismes de l'après-midi qui reviennent. Vous êtes chez ma soeur, là, si vous faites ça à cette heure-ci. C'est vrai, elle fait quoi? Parce que... vous appelez tout à l'heure, mais en attendant, vous pouvez aller sur internet viva4life.be pour faire vos dons ou venir ici en pleine nuit sur la place de la digue. Il y a quelqu'un qui est à la boîte aux lettres. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Delphine. Delphine, qu'est-ce que vous faites sur la place de la digue en pleine nuit? Ben, je suis venue vous voir. C'est gentil, ça. Beau, parce que hein. Vous êtes le petit nouveau, donc il faut vous soutenir. Voilà. C'est le gamin. Ça, c'est super sympa. Merci, merci à vous. Vous donnez combien dans la boîte à dons? Ben, ici, 20 euros. Wow. On a commandé les casques avec mon compagnon. Ah oui, on il est les très... a reçus aujourd'hui. Ah ben, c'est bien, ça. On vous les avez commandés il y a combien de temps? Le 17, on les a commandés. Le 17, bah, vous voyez, juste avant Noël, vous recevez tout ça. Vous allez avoir le style avec ces beaux casques, les casques noirs de Viva for Life. Comme j'ai mis dans mon tweet, la musique est encore plus belle. Eh bah, super, bah, merci beaucoup d'être passé nous voir en pleine nuit à la place de la digue à Charleroi. Bisous à vous. On va... Super et félicitations en tout cas. Eh bah, c'est gentil, merci on à vous. Derrière vous, continuez. C'est vous qui êtes super à venir en pleine nuit pour donner de l'argent et puis à nous appeler aussi. Il y a Marie-Claire qui est là au téléphone. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Bonjour Marie-Claire. Bonsoir à tout le monde. Je vous présente Zoé Boss qui est autour de cette table. Bonsoir Marie-Claire. Il y a Sylvie Honoré. Pas tout autour, hein, juste à une place. Je ne dis pas assez grande. Olivier Gillin et Benjamin Maréchal. Bonjour, vous avez quelque chose à leur dire tant qu'ils sont là? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Salut Marie-Claire. Et voilà. Vous rêviez de parler à Benjamin Maréchal, il est là, il vous écoute, au milieu de la nuit. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, vous n'êtes pas la seule. Hein. Oui, avec tout ce qui est fait, c'est formidable. Avec mon look de travesti, croyez bien que je vais renoncer à mon nom dès que Viva for Life sera fini. Et donc vous me retrouverez sous un autre nom dès le mois de janvier. On va le retrouver sur deuxième main. Je cherche un pseudo, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous retournez à l'hôtel... Vous retournez à l'hôtel à Charleroi, Benjamin? On va essayer de dormir ici, on va essayer de trouver un hôtel. Il est 2h14 à Charleroi. C'est pas mal. Et avec Zoé Boss, parce qu'on revient du Viva for Life Tour, on n'a pas de plan. Moi, j'en connais un. On va voir. D'ailleurs, c'est un habitant. C'est une invitation dans votre chambre, Sylvie? C'est pour ça que je reste, d'ailleurs. C'est pour vous conduire dans un endroit où vous allez dormir. On a une camionnette, on peut se serrer. On fait ça depuis une semaine assise dans la camionnette. Vous dormirez dans un lit, Benjamin. Faites attention avec ce look, Benjamin, dans le quartier. Vous croyez? Soyez prudent. Excusez-moi, il y a des hommes qui aiment les femmes élégantes comme moi. Et ces hommes qui ont du goût. Qui ont du goût. Bah oui, et je comprends ça. Ont le droit de venir à moi. Marie-Claire, vous avez vu le déguisement de Benjamin Maréchal ce soir? Ouais, elle est très belle comme ça. Elle est très belle. Entre copines, j'ai mis, regardez mes fringues, j'ai mis un petit truc à paillettes, genre nouvel an, réveillon. C'est sexy, non? Bah oui, très sexy. Oui, ça vous va, mais voilà. C'est vrai. Et quoi, vélo, hein? Pardon? Il faudrait qu'il enlève le roux. Ah, c'est vrai, oui. Sarah avait promis qu'il y allait avoir un striptease. Oui, mais Sarah ment. Benjamin, vous allez partir dans un instant. Le striptease est obligatoire. Sinon, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Ouais. Ah, est-ce qu'en régie, on peut avoir une musique de striptease, s'il vous plaît? On vous a vu en maillot, de mettre Benjamin Maréchal dans l'ambiance. Vous avez choisi quel titre pendant ce temps-là, Marie-Claire? On a l'idée qui a allumé le feu, là. Ah, bah, c'est parfait pour ça un striptease. Ça tombe bien, dites-moi. Non, mais vous êtes fous, les gars. Marie-Claire, cette semaine, je suis le seul mec à m'être mis en maillot. Ah, j'ai plongé dans une piscine à Warem. Toute la Belgique m'a vu tout nu. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Olivier Gillin? Oh, ben écoutez, un petit striptease, je serais pas contre, moi, jeune homme. Benjamin réalise ce striptease en direct à suivre sur la une en télé, sur viaforlife.be. Très beau dénudé d'épaule. It's now! C'est le seul gars qui enlève sa perruque dans un striptease. C'est un vrai striptease, monsieur. Ah, il donne tout. On dirait que vous faites ça tout. Les fringues, elles sont trop petites. J'ai acheté un small, j'ai calé. Vous voyez bien que je suis calé, si vous regardez là une télé. Vous voyez bien que c'est... Il y a un commerçant malhonnête qui lui a vendu un small. C'est franchement... On remarque quand même une certaine dextérité dans le mouvement. Vous avez l'habitude de faire ça, Benjamin? Je dois arrondir mes fins de mois, c'est pas si bien payé que ça. Les gens s'imaginent des fortunes, des trucs, des machins. Ben non. Ces magnifiques images, en espérant qu'aucun enfant est devant la télé parce qu'il ne dormira pas après avoir vu ça. Non, on va vous remercier, Benjamin Maréchal. Pas dans les toutes boîtes, Chania au 0900, c'est bon. C'est un moment que les choses se disent. Allez, après les défis à Liège et partout en Wallonie, il va falloir aller vous reposer. On vous retrouve demain. Je vous embrasse et courage, Cyril, pour la fin. On vous croisera demain de l'autre côté de la vitre en vous encourageant. Courage, merci courage. Beaucoup Benjamin, merci Zoé Boss d'avoir été avec nous ce soir. Courage à vous. Merci Sylvie. Ouais, je vais les conduire, hein. J'ai une mission à remplir. Il vaut mieux vérifier que personne n'agresse Benjamin dans cette tenue-là. Ah bah Cyril, je vais vous laisser aussi. Hein. Bon, reste un petit peu avec nous. Oui, je vais rester avec vous, allez. Olivier, t'es striptease, beaucoup de SMS nous demandent un striptease. Oui, je me doute. Vous savez quoi Benjamin, je m'engage à ce qu'Olivier fasse un striptease avant 6h du matin. Voilà. Écoutez, ça prendra le temps que ça prend. Eh ben on y est. Eh ben c'est exactement ça. Ça prendra le temps que ça doit prendre, monsieur. C'est comme ça. Cyril, vous êtes un homme sans goût, mais vous êtes un courageux. Ah, Olivier merci. N'est pas une fille facile. Non, ça c'est clair, non, je vous le garantis. Marie-Claire, ça merci d'avoir donné de l'argent, 50 euros, pour écouter Johnny Hallyday. Voici Allumer le feu dans Viva for Life. Allumez le feu, allumez le feu. Olivier Julin, s'il avait plus de cheveux, hocherait de la tête pour faire bouger tout ça, mais c'est un peu trop court. Pourquoi? Mais attendez, ça va, trop court par rapport à qui? À vous? Alors, pour rigoler ou quoi? J'en ai de moins en moins. Donc moi, quand un futur chauffe me dit que mes cheveux, j'en ai pas beaucoup, je dis, bah, voilà. En plus, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Pour faire, vous faites pas beaucoup plus jeune, mais vous êtes beaucoup plus jeune. Vous choisissez la musique, vous continuez, viva4life.be, vous faites un don, vous écoutez la musique que vous avez envie d'entendre cette nuit, et au passage, vous aidez les enfants qui en ont besoin. 80 000 enfants, on le rappelle, qui à Bruxelles et en Wallonie vivent sous le seuil de pauvreté. C'est beaucoup trop, c'est des enfants qui parfois n'ont pas le nombre de repas nécessaires sur une journée. Ça veut dire des enfants qui parfois ne mangent pas 3 repas par jour. Il y a des stats là-dessus, c'est un enfant sur 10 qui n'a pas ses 3 repas par jour. C'est beaucoup trop d'enfants qui ne peuvent pas grandir correctement. C'est des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école tous les jours. C'est des enfants qui ne peuvent pas participer aux sorties, qui ne peuvent pas faire du sport. Donc ils sont exclus socialement et ça ne les aide pas à se construire. Et grâce à vous, on peut changer les choses. Pour ça, il faut faire des dons. Il reste 16h, 50 minutes et 12 secondes de Via4Life. Vous pouvez encore donner et on compte sur vous pour le faire. Via4Life.be. Alors pendant toute la nuit, vous savez, on essaie de s'amuser, on essaie de passer du bon temps. Olivier Gillin est là pour ça. Oui. Et puis nous avons des invités. Nous allons nous tourner du côté du salon de ce studio avec le groupe Eve et Dimitri, qui est le chanteur de ce groupe. Salut Dimitri. Bonsoir. Alors votre groupe fait des mash-ups, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est le mash-up? Il y a le mash-up, je pense que c'est une technique qui est assez... Non, on peut pas? Si, faites comme chez moi, allez-y, pas de problème. Ça va être un bon bordel alors. Je crois aussi, oui. C'est une technique très connue, qui est connue des DJ en tout cas, mais cette technique... Technique consiste à... La technique, c'est tu mélanges une chanson et t'as un truc sympa. Et donc ça consiste à tout simplement mixer deux titres ou parfois plusieurs davantage. Ouais. Mais ça reste évidemment au niveau des vinyles ou des platines. Mais là vous le faites en live. Voilà, exactement. Ah, ça c'est fort. Vous venez d'où? D'un peu partout, de Belgique, Bruxelles, très précisément de Belgique. Dans la grande Belgique, bien large. Voilà, d'un petit peu partout, c'est un beau melting pot pour faire de la musique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous ne dites pas ce que vous allez chanter, ce que vous allez jouer. Nous, on va essayer de deviner le mash-up après vous avoir écouté. Mais d'accord, oui. Et en général, ce sont des tubes que vous jouez. Donc non, si on les connaît... personnes ne sont pas connues. En fait. Okay. Pas du tout. Ok, merci Cyril, c'était une bonne idée que vous avez eue là. C'est des compos. On fait des mash-ups de compos. Alors, on écoute. Il y a juste les Didier qui les connaissent. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. On vous écoute. Vous êtes en live. C'est à suivre en vidéo sur via4life.be et en direct sur La Une. Le groupe Eve est avec nous ce soir, cette nuit, dans le cube de verre sur la place de la Digue à Charleroi. Yes. Education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Not going nowhere. Somebody. Well, you can tell by the way I use my words. I'm a woman's man, loads of time to talk. Guilty clothes and a woman's world. Kick it round, no, I was wrong. I know it's alright, it's okay. You may look the other way. You can try to understand. You know time's effect on man. We'll be right back. Mais facile, ouais, moi j'ai reconnu Johnny. Il a maîtrisé dans votre mashup. Ça y était pas ? Il est, voilà, après il est fatigué, ça fait quelques jours qu'il est là. Je veux dire, ses parents vont venir le rechercher un jour peut-être. Il n'y avait pas Ilona ? René Latour peut-être. moi j'ai reconnu, il y a un tout petit truc de Bachelet. Mais rien, hein, je dis rien, juste comme ça. Si vous nous rejoignez un instant, il y a le groupe Eve qui est avec nous, qui réalise des mashups en live. Tout ce que vous venez d'entendre, c'est pas enregistré, c'est des instruments qui sont là. D'ailleurs, j'ai réalisé qu'il y avait une guitare électrique. Tu sais que c'est mon rêve de pouvoir faire le rocker. Donc avant la fin de cette émission, il faut que je puisse me déchaîner sur une guitare électrique. Et alors, pardon ? C'est pas une guitare électrique, c'est une basse. Et ben je te ferai un truc de guitare électrique. C'est pas grave. Avec une basse. Y a pas de problème. Non mais je veux faire un truc et je veux casser une guitare avant la fin. Ça c'est un autre kiff et vous me direz lequel aime le moins sa guitare et je la casse avant la fin. D'accord. Alors, dans le mashup il y avait quoi ? J'ai l'impression qu'il y avait du Pink Floyd. Il y avait du Pink Floyd. Ouais, du Pink Floyd aussi. Du Pink Floyd. Pauvre bête. Il y avait pas un petit peu de Thin Line. C'est les Bee Gees. Bah oui, bien sûr. Ouais. Connaissez l'histoire des. Un mashup des Bee Floyd. Des Bee Floyd. Tout à fait. Vous connaissez l'histoire des Bee Gees quand même. C'est un truc qui a fait le tour du monde, ça. Alors attention. Alerte van d'Olivier Gillin. Oui, vous attention. Ne serez alerte plus van. Les mêmes après ce moment. Notez bien, il y aura un avant 2h30 et un après 2h30. Effectivement. Alors les Bee Gees, au départ, c'est en fait trois garçons et trois filles qui chantent. Et puis quand ça a commencé à marcher, c'est les trois filles qui ont continué. Voilà. Alors la suite, donc oui, parce qu'il y a une suite après ça quand même, hein, j'espère. Oh ouais, ça va pas être facile. Je suis tout seul. Vous restez avec nous, on se refait un mashup tout à l'heure. Bah oui. Allez, bah, restez bien là. Et, Muse, maintenant qui a été demandé sur viaforlife.be, c'est Patricia de Benezet qui a donné 30 euros pour écouter Muse. Merci beaucoup Patricia. Et c'est important, continuez à choisir la musique, continuez à faire vos dons, on a besoin de vous pour aider les enfants qui vivent dans la pauvreté. viaforlife.be. You could be my choice to live my life extended. You could be the one I'll always love. You could be the one who listens. chante pas, je suis comme vous. Je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme. Ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais faire. Je marchais dans la rue, m'installais aux terrasses. Croisais des inconnus, leur faisais une place. J'écoutais leurs histoires, ils connaissaient la mienne. Sur un simple regard, nos vies sont toutes les mêmes. La sortie de l'école, nos enfants qui accourent. Mais tous leurs mots s'envolent et leurs rires sonnent sourds. Quand l'écho du silence est votre seul allié, c'est l'ennemi qui danse pendant que vous pleurez. Quand je ne chante pas, je suis comme vous. Je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme. Ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais. Laetitia de Liège qui a demandé d'écouter Lara Fabian quand je ne chante pas. Il est festif ce morceau, j'aime bien. Il est. Mais chanté par Pascal, vous voulez dire en régie. On a Pascal Michel en régie qui, dans l'oreillette, était en train de chanter Lara Fabian. Pascal Michel viendra tout à l'heure chanter une chanson et nous en profiterons pour tout à l'heure le faire chanter. Pascal, en régie, est-ce que tu peux juste continuer à chanter dans mon oreillette? Et comme ça, je vais partager avec les auditeurs, avec les téléspectateurs, ce qui se passe dans le casque. Voilà. Pascal, est-ce que tu peux chanter Lara Fabian? Attention, 3, 2, 1. Chante et je partage avec tout le monde. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça. Une épouse, une mère, une femme, ça ne me savoir faire. Voilà, et c'est comme ça tout le temps. Toute la soirée, toute la nuit. C'est génial. Donc parfois, quand je dis des conneries, c'est parce que c'est ça qui est en train de se passer dans le casque. On va aller à la boîte aux lettres. Bonsoir, les gars. Bonsoir. Il y a du monde en pleine nuit à 2h38. Qu'est-ce qui vous amène cette nuit sur la place de la digue? Mais voilà, je suis disjockey. Je suis rentré ce matin de. Ils disent tous ça. Ils sont tous disjockey. Il y a les cachets et la levrée. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà, moi je suis rentré ce matin d'Espagne parce que j'ai fait un set là-bas. Ah ouais, cool. Où ça, en Espagne? En Séville. D'accord. Et donc ici, c'est un impro. Donc j'ai réveillé un petit peu les copains, ceux qui étaient là. D'autres n'ont pas répondu parce que je crois qu'ils sont soit à l'extérieur aussi ou bon. On se repose avant le week-end. Oui, je crois. On a quelques jours à travailler ici. Donc voilà, on s'est dit bon, c'est une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Mais je voudrais bien remercier, si vous me permettez. Vas-y. Ben ceux qui ont collaboré là en vitesse, c'est Nathan, Brian, Chris, David, Manu X et César, ce sont quelques DJ que j'ai su avoir là en vitesse. Et je tiens à vous féliciter, toute l'équipe là maintenant de la nuit qui est en train de travailler depuis quelques jours, vous qui êtes bien sûr pour cette opération. Et bah, c'est super sympa. Et là, on est dans le sprint final, donc moi, si j'ai un message à donner, c'est aller à fond maintenant. Il ne faut plus réfléchir. Ceux qui regardent là maintenant la TV, même celui qui écoute, bah, il faut donner à fond pour les enfants. Et on je pense d'accord. que ça serait une opération extraordinaire. On est dans les dernières heures, donc c'est au sprint final qu'il faut y aller. Il ne faut rien lâcher. Viva4life.be pour faire votre don. Et alors, avec tous tes copains DJ de Charleroi. On n'a pas su contacter tout le monde, mais je voulais, hors antenne, je vous l'ai dit, si l'année prochaine vous êtes encore chez nous ici à Charleroi, je pense qu'on va réfléchir à faire une plus grosse opération pour essayer d'apporter plus d'argent à cette initiative. Eh ben c'est super sympa. Là, avec cette initiative qui a démarré là ce matin, c'est déjà combien d'euros qui rentrent dans la cagnotte? Là, c'est 300 euros. Oh, bah, merci beaucoup. Allez. Merci à tous les DJ Carolo et tous tes copains qui se sont réunis. Il y en a une partie avec toi d'ailleurs ici sur la place de la Digue. Merci beaucoup les gars, c'est super sympa. Bonne nuit. Bonne soirée et courage pour les prochains jours parce que ça va un peu mixer quand même pendant les nuits. Non, courage à vous plutôt. Hein. Oh, on est sur la fin nous. Merci. Ouais, ouais. Bonne soirée les gars, salut, bonne nuit. Merci. On continue à écouter la musique que vous voulez partager. Et si vous avez envie de passer nous voir sur la place de la Digue, n'hésitez pas. Olivier Gillin, vous êtes très fort en blague. Il paraît que je suis pas mauvais en blague. Ouais. Nous allons tester ça dans un instant. D'accord. Et puis vous avez des surprises pour les auditeurs qui laissent leur numéro de téléphone sur Via4Life. Live.be. On va se faire des petits blind tests. Exact, des petits mix. Oh, vous allez voir, ça va être sympa. Oui, c'est bien ça. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from The Power of Love. Beau message ça. Grâce à l'amour que vous avez pour tous les enfants qui sont dans la pauvreté, vous allez pouvoir faire changer les choses, vous allez pouvoir donner, partager la musique que vous aimez et faire un don. Et grâce à ça, nous allons, je l'espère, pouvoir faire changer les choses, faire évoluer les choses. On ne réglera pas le problème cette année, ça c'est sûr, on l'a déjà dit. Malheureusement, pour tous les enfants, ce ne sera pas possible d'annuler la misère. Mais par contre, on peut peut-être se retrouver à une situation où il n'y aura plus 80 000 enfants entre 0 et 6 ans qui vivent dans la misère, mais peut-être beaucoup moins grâce à vous. Et on peut le faire, on compte sur vous pour le faire. 0 830 007, ça c'est le numéro du call center pour demain matin. Mais par contre, sur viveforlife.be toute la nuit ça marche, vous pouvez choisir la musique que vous avez envie de partager, vous faites votre don et ça nous ferait bien plaisir, ça fera bien plaisir aux enfants. Olivier, qui est avec moi ce soir, moi il a quelqu'un au téléphone. Ah, vous l'accueillez pareil. Bah attendez, bonjour, à qui ai-je l'honneur? Ah bah personne. Je vais essayer, voilà, moi. Ça va être bien ça. Allô, bonsoir, quel est votre prénom? Ah ben ça marche beaucoup mieux. Ah, hein. mais attendez, mais c'est magique. En fait, vous avez une technique bien à vous, mais je trouve que c'est très réussi. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer. Allô, Jacques? Jacques a disparu. Ah, j'entends alors, très très loin, il n'y a personne. Merci d'avoir remarqué, c'est gentil. C'est gentil, merci. C'est parce que Jacques a un métier très particulier, c'est qu'il est fantôme. Attention, j'ai entendu un allô. Jacques, bonsoir, comment ça va? Allô, vous étiez où, Jacques? Mais moi, j'étais au téléphone, mais on entend très mal. Alors, coupez le son de la télé, parce qu'il y a un décalage avec la télé, donc c'est comme ça que vous nous entendez peut-être un peu difficilement. Il faut bien écouter dans le téléphone. Jacques, vous nous appelez d'où? Qu'est-ce que vous faites cette nuit debout à 2h46? Ah bah rien, il a raccroché. Mais là tout de suite, à l'instant présent, je raccroche. Cyril, pourquoi? Il y a un problème? Ah bah alors, c'est pas possible ça. Il y a un moment dans la nuit où c'est vrai que les idées sont confuses et quand on dit couper la télé, ça peut arriver de couper le téléphone. Ah bah oui, on peut se tromper. Le problème. Si c'était simple. C'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir parler. On va faire un petit jeu justement avec Jacques aussi qui est au téléphone avec nous, Olivier. Mais est-ce que Jacques est encore là? Est-ce qu'on l'a récupéré? On est en train de le rappeler. On est en train de le rappeler, très bien. Alors l'idée, attendez, on a ressorti une émission qui a fait les beaux jours de vivacité. Ça s'appelait le mix. Alors le mix, le principe en gros, on l'a un tout petit peu modifié évidemment pour ce Viva for Life. C'était en une minute reconnaître un maximum d'extraits. Oui. Et puis le gagnant, parfois emportait des cadeaux. Alors attendez, j'ai envoyé des gens de l'autre côté du monde. Ah oui, de l'autre côté du monde. Je sais pas si vous rendez. Je le fais bien, hein. Oui. Ouais, vous aussi. On voyage quand vous dites ça. Oui, il y a un peu de ça. De par-delà les océans. Oh, c'était beau, je vous raconte pas. Et donc, l'idée, en fait, c'était de venir un peu cette nuit et puis de dire, vous voulez entendre un titre dans le cadre de Viva for Life? Pas de problème. Vous faites un don. C'est une première chose. Et deuxième chose, eh bien, pour entendre ce titre en question, il va falloir me donner au moins 5 bonnes réponses sur 10 extraits. Attention. Ah oui, mais on peut aider. Alors, je vais pouvoir aider les auditeurs. Oui, mais attendez, vous les connaissez, les titres? Oh, c'est pas dit, hein. Non, c'est vrai aussi. Demandez à la voix qui intervient régulièrement dans la nuit. La voix se moque de moi dans les blind tests. Donc, oui, j'ai entendu dire que, voilà, de temps en temps, remettez les pendules à l'heure. Sincèrement, la voix. C'est pas toujours évident. Écoutez, Jacques est de retour. On va voir comment. Jacques, comment allez-vous? Très bien, Cyril. Voilà, c'est Olivier, c'est parfait. Mais je vois que vous êtes. Non, mais attendez, vous êtes le bienvenu, pas de problème. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre la petite explication. Vous avez demandé un titre dans le cadre de Viva for Life. Quel titre avez-vous demandé? J'ai demandé Be de Neil Diamond. Et vous avez fait un don de 10 euros pour ça. Merci, Jacques, on ajoute ça à la cagnotte. Mais avant de vous le passer, petite épreuve par Olivier Gillin, mais je vais vous aider, Jacques. Alors, dites-moi. Alors, on va d'abord envoyer un générique. C'est parti. Grande émission de vivacité, je tiens le rappeler. Que vous animiez à l'époque. Mais oui, c'est pour ça que je dis très grande émission de vivacité, d'ailleurs. Le samedi, le dimanche, l'idée, c'était de reconnaître un maximum de titres, d'extraits de chansons. Je vous demande le nom de l'interprète des chansons. Oui. Et Jacques, c'est pas compliqué. On va vous envoyer 10 extraits, vous devez en reconnaître 5, et on vous envoie votre Neil Diamond. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis équipé avec vous, Jacques. Oui, alors attention, vous allez être équipé de Cyril. Alors à deux, ça devrait le faire. Je demande tout de suite le premier extrait. Je n'attends de vous qu'une seule réponse. Je ne tiendrai compte que de la première réponse. C'est quand on veut. C'est pas difficile, c'est la nuit. Le nom de l'interprète. Jacques, aider Cyril, ça ne va vraiment pas. Ah oui, vous. Allô? Si, je vois. C'est... Mais oui, il voit. En fait. Alors on est d'accord, il voit. Jacques, on passe, on est d'accord? Oui, tout à fait. Allez, oui. On passe celui-là. Allez, deuxième extrait. Qui chante Je m'en vais? Ben va-t'en et on écoute le suivant. Voilà, allez, on passe. On passe aussi, oui. C'était Kali. Mais oui. Un point. Mais non. Si, non, trop tard. Ah ouais. Alors c'est qui ça? Jacques, vous avez roulé des pelles là-dessus? Il y a peu de chance, non? Ah, vous vous connaissez en dehors de l'antenne? Pas moi, pas moi. Oui, oui, non, c'est l'appel de la forêt. Oui, c'est celle-là même. Dites-moi alors. Alors, ça doit vous dire quelque chose vaguement, Jacques? Qui chante? Vous savez qu'il est 2h50, que de là, c'est compliqué. On n'est pas Wikipédia, hein, monsieur. Non, les Beatles, on va dire que non, alors. Hein, d'accord, allez, suivant, c'est pas grave. Ah, Johnny! Alors. Attendez, Johnny? Bah oui, bien sûr, Jacques. Voilà, attention, il y a débat. Il y a un dossier là. Alors, c'est à Saint-Tropez. Alors, c'est Johnny qui était dans les chaussettes noires, mais c'est Johnny quand même. Vous l'acceptez, le opéra est gagné, on passe à la suite. Vite. J'adore ce jeu, je ne comprends plus rien. Vous venez de changer les règles, Cyril. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous êtes dans mon cube ici. Oui, à fond dedans même. C'est une petite jeune, elle. Oui. Mais oui, Jacques, j'ai pas compris. Oui, je vous signale qu'on n'entend absolument rien de la musique. Jacques, j'ai le même problème. C'est fait exprès. Adèle, allez, ça va, passons. J'ai mis mes oreilles. Jean Dujardin, c'est le casse de Bryce. Joli, allez, trois bonnes réponses, c'est parti. La suite. On a plus que trois. Marilyn. Marilyn. Marilyn, oui. Allez, Marilyn, d'accord, je prends. La suite. Romantique avec toi. Et alors là? Oula. Bah oui, mais il avait un autre nom. Oui. Il s'appelait aussi Oula. Oula ou? Oui. Allez, ça vous connaissez, c'est de chez nous. Mais oui, bah, on connaît, mais là vous donnez le titre à chaque fois. Attendez, Jacques, taisez-vous juste quelques secondes. Attendez, je vais faire un truc, je vais tester en direct. Hop là. Oh, ça marche. Il est en train de jouer. Shazamé. Ouais. Shazam comme un fou. Dites, ça ne veut pas marcher. Oh, Shazam, qu'est-ce que tu fous? Nous n'arrivons pas à bien entendre. Ah ben voilà, merci Shazam, ça ne sert à rien. Oh, c'était Alain Delorme, mais en fait, je vous trouve très mauvais tous les deux. J'ai l'impression qu'on l'a dit quand même, Alain Delorme. Oui, bien sûr, j'ai l'impression aussi, J'ai une vague, alors, Jacques, hein, vague impression. Jacques, je crois même que c'est vous qui l'avez dit, Jacques. Oui, bien sûr, Jacques. Oui, c'est sûr. Vous l'avez dit, hein. Oui, tout à fait. On a encore un extrait où on est arrivé à dire, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre casque? Un dernier. Barbra Streisand. Celui-là, je connais. Duck Sauce, Barbra Streisand. En fait, vous n'aidez pas les gens, vous faites le boulot à leur place. Et le problème. Ah oui, il chante aussi. Question de création, s'il vous plaît, laissez l'artiste s'exprimer. C'est beau quand tu chantes, Cyril. Franchement, c'est. Voilà. Et si bonne réponse avant, pour pouvoir écouter le titre de Jacques. Oui, Neil Diamond en plus, j'adore. J'adore. Merci d'avoir été avec nous, Jacques. Félicitations. Continuez comme ça. À bientôt, Jacques. Super, bisous à tous. Au revoir. Voici votre chanson. Et vous aussi, choisissez la musique. VivaForLife.be. On se refait ce petit jeu là tout à l'heure? Volontiers. Bah, attendez, je suis bien. Vous m'avez bien joué avec vous. C'est beau d'ailleurs de m'avoir sous le coude. Lost on a painted sky where the clouds are hung. For the poet's eye, you may find him if you may find him there on a distant shore by the wings of dreams. They know him. If you may be as a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. And the one God will make for your day. Sing is a song in search of a voice that is silent. And the sun God will make for whispered voice, overheard by the soul, undertook by the heart. You may know it if you may know it. While the sand would become the stone which begat the spark, turned to living bone. Holy, holy, son to a son to as a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. And the one God will make for your day. C'est Jacques qui nous avait demandé d'écouter Neil Diamond avec B. Et pour la suite, vous allez entendre qu'on passe vraiment de tout dans Viva for Life sur Vivacité, puisque nous allons passer à du Psy, Gangnam Style. Et c'est qui a demandé? C'est Mehdi de Bruxelles qui a donné 20 euros pour l'écouter. Alors, on est avec le groupe Eve ce soir qui fait des mash-up. On va vous entendre à nouveau dans un instant. Olivier Gilin est là. Vous vous souvenez de Gangnam Style? Évidemment, des millions, des milliards de vues sur YouTube. Oui. Vous connaissez la danse du cheval? On croise les bras. Sur le poignet, nous allons faire les chevaux tout autour de cette table pendant qu'on écoute Gangnam Style. Vous êtes prêts? C'est le défi, c'est tenir pendant toute la chanson en cheval autour de ce studio. Oh, toute la chanson. Allez. En direct sur la une. Attention. En télé. C'est parti. Oppa, Gangnam Style. Gangnam Style. 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Gangnam Style. Gangnam Style et ce défi à la demande du groupe M. Nous l'avons arrêté, ils sont épuisés les gars. Ah, parce que sinon moi je pourrais tenir encore une heure en Gangnam Style. Non, autour de la table. Non, non, il faut pas. Par contre j'ai regardé sur l'écran ce que ça donnait, on aurait dit des poneys les gars. Là j'ai chez le poney. Ça, avec l'odeur qui va avec. Va chercher le poney. Tant que ça sent pas le poney. Le groupe Eve est avec nous dans Viva for Life, c'est Vivacité. Ils sont contents d'être là. Eh ben oui. Super. C'est un groupe qui fait des mash-up, nouveau mash-up dans un instant. Olivier Gilin est avec nous. On se retrouve pour une nouvelle heure juste après les infos de 3h. Choisissez la musique, partagez-la et faites vos dons. VivaForLife.be. On compte sur vous. Il est 3h. 3h. Merci d'être à notre écoute. François Nemeth avec vous. Bonsoir à tous. Le gouvernement fédéral reste ferme dans le dossier d'économie de la SNCB. Les syndicats réclament un démineur dans les négociations. Pour le gouvernement, pas question. Il demande d'abord de suspendre le préavis de grève, un préavis toujours maintenu les 6, 7 et 21, 22 et 23 janvier prochains. Le gouvernement s'est donc par contre mis d'accord sur un ensemble de mesures qu'il comptait prendre avant les fêtes, notamment la suite des caisses enregistreuses dans l'Horeca. Cette boîte noire qui vise à lutter contre le travail au noir ne sera obligatoire que dans les établissements Horeca qui réalisent plus de 25 000 euros de leur chiffre d'affaires via la vente de nourriture. Notons aussi dans les accords pris 2500 policiers en plus sur le terrain, 9 milliards investis à la défense d'ici 2030 aussi, ainsi que la réintégration des malades de longue durée se fera de manière volontaire et sans sanction financière. Yacine Sali, cet homme écroué pour avoir décapité son patron et attaqué un site gazier en Isère, dans le centre-est de la France. Il s'est suicidé ce mardi soir dans sa cellule, dans une maison d'arrêt en région parisienne. Le trentenaire avait été placé en détention provisoire fin juin 2015, après avoir été inculpé notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, enlèvement et séquestration en vue de préparer un assassinat, destruction, dégradation et violence volontaire. Cet homme a toujours contesté en garde à vue toute motivation religieuse, mais pour la justice, son patron, qu'il a avoué avoir tué, était bien une victime du terrorisme islamiste. Le Parlement grec a approuvé un projet de loi donnant le droit à une union civile aux couples de même sexe. Cette approbation, malgré une forte opposition de l'influente Église orthodoxe. C'est un jour important pour les droits de l'homme, a déclaré le Premier ministre Alexis Tsipras. Amnesty International salue le vote, mais regrette l'hostilité permanente envers les homosexuels. Cette trêve de nouvel an en Ukraine, conclue entre Kiev et les rebelles pro-russes, elle a débuté à minuit heure locale. Cela suite à un dernier accord de Minsk en Biélorussie. Cette trêve pourrait mettre fin aux accrochages meurtriers survenant régulièrement dans l'est du pays. Football, le Sporting de Charleroi a signé hier soir une victoire à Moucron-Péroué 0-1. Il est 3h passées de 2 minutes, retour de l'info à 4h. Très belle nuit à notre écoute. Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life avec Cyril. On s'amuse, on danse du Gain 9 style, mais à 3h03 du matin, vous devez absolument vous mobiliser. Viva4Life.be, c'est le site internet sur lequel vous pouvez faire vos dons. Vous choisissez la musique, vous faites un don et cet argent est concrètement utilisé tout au long de l'année. Il y a 140 appels à projets qui ont été reçus cette année par Viva4Life. Ça veut dire que 140 associations nous ont dit hey, « Hé les gars, on a besoin de vous. » Parce que nous, dans notre coin, il y a des enfants qui sont en difficulté. On a absolument besoin de financement pour pouvoir accueillir ces enfants, pour pouvoir les aider à avoir un meilleur quotidien. Ces enfants entre 0 et 6 ans n'ont pas choisi de naître pauvres. On va faire en sorte qu'ils ne grandissent pas pauvres. Et grâce à vous, on peut le faire. Viva4life.be, vous faites vos dons et laissez bien votre numéro de téléphone parce qu'on a envie de pouvoir vous remercier. On a envie de pouvoir vous parler, vous dire parce que vous faites, c'est beau. Viva4life.be, vous faites un don, vous choisissez la musique, vous laissez le numéro de téléphone et on fait de la radio ensemble dans un instant. Olivier Gillin est oui, avec moi cette nuit. Oui, je suis avec vous, Cyril. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Ma femme aimerait bien que je sois avec elle ce soir, enfin cette nuit. Elle est contente que nous. Oui, je crois aussi quand même. Oui, nous avons une liaison Skype avec votre femme qui est dans sa chambre et qui n'est pas toute seule. Ah ben non, elle n'est pas toute seule. Bon, Olivier, on rappelle qu'il y a un défi qui a été lancé par Benjamin Maréchal tout à l'heure, striptease avant la fin de cette émission. Et j'ai entendu qu'il lançait un défi, oui. On n'oublie pas, on le fera tout à l'heure. Moi j'avais un peu perdu ça de vue, mais je vois oui, que... Bah on fait exprès. Oui. L'idée c'est que vous fassiez votre striptease donc tout à l'heure. Striptease, mais ça je peux peut-être le faire ça. Oh là là, mais attendez. Le groupe Eve est avec nous aussi ce soir, un groupe qui réalise des mash-up. Qu'est-ce qu'on va se faire là maintenant les gars? Vous êtes installés derrière vos instruments. On va se faire un petit truc ensemble. Ouais. On est à la télé, voilà, c'est dangereux si on fait un petit truc ensemble. Attention, on ne pas, on aime bien les on va débrayer, hein, là on va se calmer. Vous allez chanter avec nous. Bien sûr. Vous êtes sûr? Ah oui, certain. Si on fait ceci, vous pensez à quoi? J'y suis allé avant l'émission, j'ai pas besoin d'y retourner. Olivier et sa belle voix. Quoi? quoi là-dessus? C'est Cyril qui veut prendre le lead, hein, je veux dire. Vous êtes pas dessus? Want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. I'm gonna fight enough. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, take it a time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eye says leave it alone. J'ai un défi à vous faire faire, à vous faire relever avant la fin de cette émission. Où est-elle? J'aimerais bien que dans une chanson, vous nous fassiez une transformation et vous nous fassiez une chanson avec Viva For Life dedans. D'accord. Voilà. Vous remplacez des paroles d'une chanson par Viva For Life. Et vous ne sortez pas de on ce culte. On se met rendez-vous demain à quelle heure? Oui, on va plancher là-dessus pendant 2-3 heures. On va boire un verre et puis on se retrouve après. On en avait trouvé une par exemple. Vous vous souvenez de Desiree? Desiree qui faisait Life. Oh life. Viva For Life. Et ben ça marche avec. Attendez, on va essayer juste le temps d'essayer de le retrouver. Hop. Vous savez quoi? On va écouter. Ah voilà, non, il est. On l'a. Ouais. Écoutez bien. Oui. Attention. Oui. Ça arrive dans un instant. Life, oh life, viva for life, oh life. On va faire trop autre chose. Viva for life. Vous travaillez sur quelque chose, les gars? Bon, on va trouver. On enclenche le chrono. Et vous avez... Vous avez 5 minutes. Allez, 5 minutes. On peut un peu plus tard vous préparer quelque chose là-dessus. La suite, dans un instant, vous nous refaites la version. Juste le temps qu'on écoute Mylène Farmer avec Seal. C'est les mots et ça a été demandé par quelqu'un de bien généreux qui a décidé de donner pour les enfants. Et faites comme cette personne. Viva4life.be, c'est tout simple, ça va vous prendre quelques secondes. Vous choisissez la musique, on la partage ensemble et on dit un énorme merci à Anne de Maffle qui nous donne 10 euros pour les enfants. For life. Fixement, le ciel se tord. That's true. Mylène Farmer et Seal, ça a été demandé par Anne, n'hésitez pas à faire comme elle. Vous aussi, partagez la musique que vous aimez, elle a du cœur cette musique, et tous ensemble, on la partage pour pouvoir régler le problème et en tout cas faire avancer les choses pour qu'il y ait moins d'enfants qui vivent dans la pauvreté, moins d'enfants qui n'ont pas de toit par exemple. On a eu un témoignage hyper poignant il y a pas très longtemps, cette semaine, on a appris qu'une famille vivait dans le métro. Vous savez que les structures d'accueil pour les SDF ne permettent pas d'y aller toute la journée. Et donc, ils sont toujours à l'heure, il paraît. Hein. Ah oui, il paraît, hein, je sais pas. Il y a cette famille qui, avec des enfants, doit vivre jusqu'à 21h dans les couloirs des métros à Bruxelles. Vous imaginez ? Ouais, c'est pas top. Avec des petits, bah, voilà, les conditions sont pas bonnes. C'est des enfants qui peuvent pas grandir correctement. Et avec vos dons accumulés, on peut arriver à faire de grandes choses. On va se serrer la main pendant encore 15h, 58 minutes et 4 secondes. Et on compte sur vous pour faire vos dons. Via4life.be, si en plus vous faites votre don ce soir, vous mettez votre numéro de téléphone, on va se faire un petit jeu avec vous, Olivier. Oui. Dans quelques minutes. Un petit mix. Rappelez le principe. Alors, le principe est simple. On vous envoie 10 extraits musicaux, à vous d'en connaître au minimum 5, et alors on vous envoie la plaque que vous nous avez demandé, le voilà. Titre que vous nous avez demandé, très simple. Et alors attendez, vous ne me donneriez que 4 bonnes réponses. Ça passe quand même. Oh, oui, de toute façon, on le fait ensemble. C'est pour jouer. On l'a fait avec Jacques il y a quelques minutes. Oui, on a un peu galéré, mais on a réussi. Non, donc, vous avez beaucoup galéré quand même. Enfin bon, ça, je veux dire, voilà. Laissez votre numéro de téléphone, comme ça on fait de la radio ensemble. Et un petit peu de télé aussi, puisqu'on est diffusé sur la Une, okay, sur le live center rtbf.be. Dans un instant, une nouvelle chanson. Mais avant, on retrouve le groupe Eve qui est avec nous, qui fait des covers. On écoutera un de vos morceaux peut-être tout à l'heure. Vous nous referez quelque chose en live. Mais pour l'heure. Il y avait un défi. Il y avait un défi. C'était de transformer un de vos mash-up en changeant les paroles et en plaçant du Viva for Life. Vous avez eu le temps de Mylène Farmer pour préparer ça. Est-ce que vous êtes prêts? On a fait beaucoup mieux. On n'utilise pas un de nos mash-up, on vient carrément de créer quelque chose de neuf. Alors là, applaudissements quand même. Oui, je dis bravo, hein. Bravo. Je dis bravo. Ah bah, quoique, écoutons d'abord, on applaudira oui, après. En même temps, ouais. Alors, on vous écoute. Attention. Is found to lose and to pretend. Autumn means she's overboard. Say the show, and now I know a dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello. Somebody help me share the shadows away. Viva, viva, viva for life after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. Movie stars, I'm worse than words. I do best and for this gift feel blessed. Turn on TV, the movie star. Take me down and to your heart until the end. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Viva, viva, viva for life after midnight. Won't somebody help me share the shadows away? Viva, viva, viva for life after midnight. Take me through the darkness, to the break of the day. Viva, viva, viva for life after midnight. Viva, viva, viva for life after midnight. Applaudissements, yes, pour le groupe Eve en live ce soir. défi relevé, les gars. Bravo. Merci. Merci. Alors, Cyril, un petit défi pour toi. Dis-moi. Tu devras jouer ça à la guitare d'ici la fin de la nuit. Et alors, si tu réussis, tu pourras casser la guitare. Tu auras ce droit. Eh bien, sincèrement. Sous la tête de Dimitri. Sincèrement. Alors, jouer correctement, je ne suis pas sûr d'y arriver. Non, mais nous non plus. L'important, c'est de participer. Le défi, c'est d'essayer de m'apprendre à jouer de la guitare. Voilà. Je veux bien, dans quelques minutes, prendre la guitare. C'est pour toi, c'est pour moi. Ça, c'est pire que de casser une guitare. Je vais te montrer comment je joue de la guitare et après, tu diras si c'est un défi de m'apprendre ou pas. D'accord, ça va. On se fait ça dans un instant. Allez, ça roule. Le groupe Eve est avec nous ce soir. C'est déjà ma petite idée. Bon, enfin bon, voilà, on me demande pas mon avis. Vous croyez que je suis pas gratté ? Je dirais que vous avez des petits doigts boudinés. Demandez à Cubi, notre chat, si je sais pas gratté. Il est content d'avoir des gratouilles toute la journée. Cubi, il arrête pas de ronronner. Et je ne sais pas ce que vous lui avez fait, ce chat. Mais je m'en occupe. Je lui donne des croquettes, je lui donne à boire, je lui fais des petites caresses, on joue ensemble. Un petit cachou, tout ça. Voilà, tout ce qu'il faut. On écoute la musique que vous choisissez, on la partage ensemble toute la nuit. Olivier Gilin est avec moi et le groupe Eve aussi. On passe la nuit ensemble avec vous. Viva4life.be pour choisir la musique, pour la partager et faire vos dons. C'est un don de 25€ qui rentre dans la cagnotte grâce à Gilin de je ne sais pas où d'ailleurs. Voilà, bah c'est Gilin. Mère Sainte-Marie. Oui. C'est où ça? Mère Sainte-Marie, c'est. Vous voyez Namur? Oui, c'est dans le c'est coin? C'est pas loin, loin. C'est pas loin, loin. Non, c'est pas. C'est en Belgique, oui. Vous voyez Bruxelles? Oui. Ah, bah, c'est pas loin non plus. Voilà, sur Terre, voilà. C'est ici, dans c'est quoi? C'est par là, c'est en Belgique, je crois. Il nous laisse un message, il nous dit: votre action, c'est un vrai miracle de Noël, vous êtes super, félicitations. Félicitations à vous d'avoir fait un don. Et continuez, vous qui nous regardez en ce moment sur la une, sur viva4life.be. On compte sur vous pour partager la musique encore pendant 15h52 minutes. C'est pas terminé, il faut faire exploser ce compteur demain. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start. Tout à l'heure, le sosie, l'imitateur qui avait gagné le championnat du monde d'imitation d'Elvis, qui était avec nous sur la scène de la place de la Digue. Oui. Ah oui, il était terrible. Oui. Ah, il était très bien. Vous avez bien fait ça. Il est exceptionnel. Nous avons quelqu'un qui est avec nous au téléphone. C'est Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Cyril. Vous êtes enfin là, Valérie. 6 jours qu'on est enfermé, je me dis quand est-ce que je vais avoir Valérie au téléphone. Oui, il a un dossier sur vous et tout, et voilà. Comment ça va? Oui, mais ça ne le dit pas, il y a peut-être des gens qui écoutent et qui vont l'entendre. Ah bon, on espère qu'il y a des gens qui écoutent, sinon je vous jure qu'on ferme la baraque. Oui, ils vont entendre le dossier sur moi, c'est ça le problème. Ah, mais c'est vraiment vous alors, Valérie. Ouais. Valérie, est-ce qu'on raconte ce qui s'est passé? Bah. Va falloir. Il faut vraiment, ça va faire amener des sous, tu crois, Cyril? Bah, Valérie, vas-y, raconte ce qui s'est passé, on était en boîte. Moi, je me souviens pas de tout. Je me souviens pas de la fin de la nuit. Mais raconte ce qui s'est passé. Mais écoute, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas raconter ce qui s'est passé. Il y a trop de gens qui écoutent à cette heure-ci. Je suis déçu parce qu'en fait, comme on ne se connaît pas, je me dis tiens, par hasard, il aurait peut-être pu se passer un truc, mais non, en fait, voilà, c'est ça le souci. Valérie, merci d'être avec nous. Vous draguez n'importe comment, Cyril. C'est une catastrophe. Même ça, je vais devoir vous l'apprendre. Vous savez, et pourtant, vous savez que j'ai perdu la main. Dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Quand on est en boîte de nuit, plus on avance dans la soirée, plus on drague n'importe qui. Et moi, je ne dis pas ça pour vous, mais vous êtes la première auditrice que j'ai au téléphone depuis tout à l'heure. Donc voilà, j'attaque, hein, je suis désolé. Olivier, oui, il fait le malin. Eh ben, je vais vous laisser quelques secondes pour draguer Valérie qui est avec nous. Hop, voilà, allez-y, c'est à vous. Valérie. Quelles sont vos techniques de drague ? Valérie. Vous vous rendez compte de tout ce que nous aurions pu faire ? Et ce n'est peut-être pas perdu. Il faudrait peut-être qu'on se rencontre. Vous êtes plutôt café, thé, petite boisson. Chocolat chaud. C'est pas vrai. Comment on dit ça ? Chocolat chaud. Mais ça me tue, c'est noté dans le dossier en plus. C'est incroyable ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Valérie ? Employée. Dans quel domaine ? Dans une société pétrolière. C'est pas vrai, c'est vous ? Mais est-ce que vous parlez tout le temps comme ça quand vous allez à la boulangerie ? Valérie, est-ce que vous dites « je voudrais une baguette » ? Est-ce que vous parlez un peu comme ça ? Je suis un peu enrhumée en fait, alors c'est pas que ma voix elle est prête. Je voudrais une baguette et on est en train de draguer. Comme c'est beau. On parlait de boulangerie, Olivier. Valérie, vous êtes là, ça tombe bien, on va jouer ensemble, vous êtes d'accord ? On va essayer. Alors, oui, ça va aller, vous inquiétez pas. Juste avant, on va parler de la chanson que vous avez demandé. Vous vouliez écouter quoi ? Dave, avec quelle chanson ? Du côté de Chiswen. Vous savez, c'était la soirée vinyle l'autre jour, la nuit des vinyles avec les potes des autres radios de la RTBF qui sont venus. Et ben, ça m'a rappelé des souvenirs là que vous parliez de Dave parce que c'est le premier 33 tours que j'avais, que mes grands-parents m'avaient donné. C'était l'album de Dave en 33 tours. Et il y avait ça. Et j'irais bien refaire un tour. Moi aussi. C'est mon premier 33 tours. Et en fait, on a vendu deux exemplaires. Donc il y en a un chez Valérie, un chez vous. C'est incroyable. C'est génial. Voilà. On va écouter ça. Avec un super poster de Dave dedans. Oh là là, un super. Vous avez eu de la chance, moi je l'avais pas. C'est mon grand-père qui a dû le piquer pour dans sa chambre, probablement. Il était fan de Dave. Valérie, cette famille, donc, ça y est, j'ai compris. Tout va mieux. On va jouer au mix. Vous êtes d'accord ? D'accord. Allez, on ressort le générique du mix. Le mix. Bon, Valérie, vous me reconnaissez au moins 5 titres, d'accord ? Je vais essayer. Bon, allez, c'est parti, top départ. Ah non, je vais pas vous aider, Valérie. Moi, je vous demande le nom de l'interprète. Ça ne change rien. Pour Cyril, ça ne change rien. C'est une reprise ? Non, ça a été repris. Tout, pas du tout. Si, pas du tout. Si. Ça y est, il est de mauvaise foi. Ça a été repris. Amy McDonald, on passe au suivant. Allez, hop, attendez. Chut, la régie, arrêtez tout. C'est pas la version normale d'Amy McDonald, parce c'est que je connais. Amy McDonald, c'est la version originale. Non, je suis pas d'accord. Et en régie, ils sont d'accord, ils envoient la suite. Donc ça doit être vrai. Allez, hop. Ce n'est pas l'original. Ça, c'est qui ? Je vous le dis. Ben là, c'est Amy McDonald. Voilà, vous voyez, pour... c'était pour vous confirmer la chose, Cyril. Arrêtez de jouer avec mes pieds. Vous savez bien, je suis fatigué. Moi, je travaille. J'ai un boulot honnête, moi. C'est l'extrait suivant qui nous arrive, là ? Ben, j'ai l'impression. Allez, facile. Est-ce que vous voulez bien diffuser des chansons que vous n'êtes pas le seul à connaître ? Elle est belge. Elle est rousse. Accélère. Non, c'est pas Morane. Voilà, on y est. Accélère. Allez, c'est parfait. Suivant. Bon. Facile. Oui, là, allez, Valérie, c'est pour vous. Je connaissais tous ceux de la fois précédente. Allez. Oh là là, je sais plus. Cyril, vous n'étiez pas né, vous ? Ah non, moi je suis né il n'y a pas très longtemps. Gianna Nannini, allez, la suite. Voilà. Oh bah oui, ça. Il chante en même temps que Dave. Dassin. Voilà, bien. Vous savez ce qu'on va faire parce que Olivier Gillin est avec nous ce soir. Tout à l'heure, on va se faire un mix, mais avec mes chansons. Et on va voir si vous faites autant le malin. Ah, parce que vous êtes chanteur aussi, mais on a de la chance. Je vous fais une petite sélection de musique et là, on va se marrer. C'est super. On continue. Allez hop. Ah oui, mais on connaît. Mais voilà, c'est ce que je vous demande. Hey, ho, easy go, Robbie Williams, voilà. Allez, vendu, ça fait 3 bonnes réponses. La suite. Olivia Ruiz. Avec 4 bonnes réponses. Merci Valérie de confirmer. Confirme. J'ai dansé là-dessus avec Valérie. C'est vrai. Eh ben ça vous a pas laissé un souvenir impérissable, hein. Je me concentrais sur la personne et pas sur la musique. Notez, je ne sais plus, je ne sais plus du tout qui chante. Je me mesurais bien, mais plus du tout. Non, parce que j'ai les listes, mais elles n'ont pas été actualisées, semble-t-il. Voyez-vous, donc j'aime bien les Beach Boys. Ah non, oui, les Beach Boys, voilà. On me le confirme dans mon casque. C'est une excellente réponse. La suite, s'il y a une suite. Oh bah oui. Ah, Bibi. Valérie, je dis bravo. Laissez la musique, laissez la musique, c'est beau. Enfin, c'est beau, c'est beau. Tout est... C'est un disque, quoi. Tout doucement. On continue. Oui, on va continuer, hein. C'est une bonne idée. Ah, c'est encore du cheval. Avicii. C'est une excellente réponse. Je crois que c'est fini. On en a encore ? On en a plus ? Ben, on sait plus. On n'en a plus. Bon, bah écoutez. C'est bon, c'est gagné ? Ouais, bah oui, c'est gagné. Vous me donnez 7 bonnes réponses. Valérie a donné 9 bonnes réponses, ça c'est pas mal. 7. Moi je dis 9. Oui, oui, je sais bien. Moi je dis 7. Eh ben, c'est les soldes, c'est promo, c'est 9 bonnes réponses. Valérie, vous êtes la meilleure ce soir. On vous fait des bisous. Oui. À bientôt, Valérie. Bisous. Allez, bon courage. On se refait ça tout à l'heure ? Qui ? Ah oui, je ne sais jamais à qui vous parlez, c'est un gros problème. Olivier. C'est un strabisme alors. Restez là, bon, parce qu'on va faire ce jeu, mais avec des chansons que moi je vais sélectionner. C'est vrai, ça va être super. Alors, on va inverser un petit peu et on va bien rigoler, on verra. On va bien rigoler, monsieur. Qui connaît les chansons de 2015 En attendant, voici Dave, du côté de chez Swan, demandé par Valérie. Oublie hier, loin, si loin d'aujourd'hui, mais il m'arrive souvent. Encore à l'adolescent que je ne suis plus, on sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour. C'est embrassé sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers. Et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie et puis un jour il suffit d'un parfum. La magie d'un matin. Et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan. Revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin. Le temps du bonheur à l'ombre d'une vie. Oh là là. Est-ce que vous avez avoir la voix aiguë, Olivier Gilin? Non, non, non. Bah, essayez quand même. Non, ça va aller. Ça va pas le faire. Hein. Oh, zéro effort. On va arrêter là. Bon, il y a un défi qui y a été, qui a été qui donné. Qui a été. Qui a été. Bah, il oui, est bien en sûr. Fin de parcours. Hein. On va pas lui en vouloir, monsieur. Oh là là. Avant d'écouter une nouvelle chanson que vous choisissez sur www.live.be, on est avec le groupe Eve. Et je vais avoir mon premier cours de guitare. Alors, ce que je vais faire, Olivier, je vous laisse les commandes. D'accord. Mais je vais aller du côté du salon. En fait, vous pouvez suivre tout ça en vidéo sur viaforlife.be et sur la une. Avec le groupe F, je vais tenter de manier correctement la guitare, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Quoique, je peux peut-être tenter une démo sans cours. Je prends celle-là, je prends la guitare qui est ici à côté. Aïe, je vous jure, c'est beau la radio. Check. Pas mal, non? Très bien, c'est un bon début déjà. Alors, je m'installe. C'est moi, je vais faire la version crooner dans un bar, tu vois. Je suis dans une chambre, je suis en train de te draguer. Et. Alors, dis-moi. Mais toi, tu triches, t'as déjà. T'as 12 cordes. T'as 12 cordes. Ouais. Attends, c'est impressionnant. Tu sais toutes les utiliser? À la fois, non. Alors, dis-moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends tes deux doigts donc. L'index et le petit doigt. C'est lesquels? L'index. Non, tu indiques. J'indique. Voilà. Mais de l'autre main. Hein. Et de l'autre main. Bah oui. Tu es gaucher. Non, mais il faut prendre les bases. Hein, il faut commencer par les bases. Hein. Je suis droitier mais un peu con. Bon alors le doigt que tu mets dans le nez, voilà. C'est voilà, hop là. Le petit doigt, tu la mets sur l'autre corde ici. Le petit doigt ici. Voilà. Hop là. Ça c'est le premier. Mais quand vous êtes guitariste, vous êtes souple en fait, les gars. Alors tu fais comme ça. Juste des doigts. C'est perdu d'avance. Ça sonne pas pareil. C'est bizarre, ça sonne pas pareil. Juste deux doigts pour commencer. Deux doigts pour commencer. D'accord. Et pourquoi ça sonne pas pareil chez moi? Tu dois juste faire les deux premières cordes. Ah oui, mais moi si on me dit pas. Ouais, mais toi t'as un médiator, comment... Tiens, tu peux la remonter. Voilà. Tu vas voir, ça change rien. Voilà, c'est genre. Ça ressemble déjà un peu mieux quand même. Le deuxième accord, c'est la même position, mais tu descends tout d'une corde. Ah, bah s'il faut changer les doigts en plus. Non, tu descends d'une corde, pas d'une case. Ah, d'une. Voilà, comme ça. Hop là. Voilà. Oh là là, et moi je vous joue le morceau, mais en 10 minutes quoi. Voilà. Ah non. Ah non, pas du tout. Mais c'est un problème de guitare. Oui, ça doit être ça. Ou de guitariste. Attends, ça Olivier, oh bah, je vais pas donner mon avis, je suis en commerce là. Voilà. Donc ça c'est un accord mineur, ça Dimitri. Oh, c'est un accord bordélique ça. Bon alors le troisième accord c'est la même position. Encore une corde plus loin. Ah, sur la quatrième case. 2, 3, 4, hop là, hop, ici, hop, hop. Voilà. On fait encore un petit essai et puis après on reprend un petit peu de la musique qu'on a. Voilà. Bah, moi je joue. Voilà. Je joue une musique si vous voulez. D'accord, tu peux faire. Ouais. D'accord, allez, voilà, ça c'était bien. Ça c'était bien. Voilà, ça commence à venir. C'est la même chose en dessous. Il faut arrêter de lui donner de faux espoirs. Rendez-le moi, j'en ai besoin. Il y a une cause à défendre ici. Il a retenu quand même la rythme. Bon allez, c'est pas tout ça. C'est Cyril, jouer, hein, Cyril, oui, bien sûr, on entend. Cyril. Oui. On a besoin de vous. Moi, je suis venu pour faire des mix avec vous. Venez un petit peu me rejoindre ici, qu'on rigole. Je vais encore m'entraîner. Oui, longtemps, jusqu'à l'année prochaine, voire l'année d'après, hein. Et pourquoi il ferait pas de la flûte en même temps, hein? Il a assez de doigts pour ça, le monsieur. Non mais de la flûte, un petit peu de flûte. De la flûte en direct à la télé, ça me gêne quand même. Oui. Il y a des enfants qui peuvent regarder encore. On va voir ça. Vous nous relancez si vous le voulez bien, Cyril, évidemment. Un petit appel au don parce que c'est important et que c'est maintenant que ça se joue. C'est la toute dernière ligne droite. Et puis juste derrière, on fera un petit mix, peut-être, pourquoi pas. Exactement. On fait un mix avec mes chansons. Voilà, il y a celui que vous m'avez préparé. Je suis tout impatient. On va rigoler. La personne s'est moquée il y a 10 minutes. Vengeance dans un instant. Il y a quelqu'un qui s'est moqué. Vous avez osé faire ça. Pendant ce temps-là, vous continuez à choisir la musique. On compte sur vous. Vous faites vos dons. Il n'est pas trop tard, même en pleine nuit. Vous pouvez aller sur le www.viaforlife.be. Vous choisissez la musique. Ensemble, on la partage. Et ensemble, on va changer l'avenir de ces 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent dans la pauvreté. monde, c'était téléphone et c'est de l'argent qui rentre dans la cagnotte Viva for Life. 10 euros, à coup de 10 euros, on va faire un gros montant. Et à coup de 100 euros, 500 euros, on a des dons parfois. On a des dons parfois de 1000 euros. C'est carrément génial. Franchement, on en parlait là hors antenne tout à l'heure, Cyril. C'est vrai que les gens sont excessivement généreux. On a l'habitude, quand on lit un peu les articles dans la presse et tout, les gens sont fort centrés sur eux-mêmes, fort égocentriques. Pas du tout ici. Mais pas du tout. C'est des tonnes et des tonnes d'amour pour vous principalement, mais pour toute la cause. C'est surtout pour les enfants. C'est les 80 000 enfants qui sont représentés par Viva for Life, mais qui eux sont dans la misère. Il faut vraiment que ça change. Il faut qu'on se mobilise et vous êtes en train de vraiment le faire, mais on va faire le maximum. On va vraiment se donner à fond pour ces 15 dernières heures, 15 heures, 29 minutes et 8 secondes qu'il nous reste à passer enfermés dans ce cube. C'est Zazie qui viendra nous libérer tout à l'heure. Peut-être. Découvrir. J'espère qu'elle trouvera le chemin de Charleroi. Moi aussi. Et on découvrira à la sortie le montant de tous les dons que vous avez faits. On n'a sincèrement aucune vue sur les montants. On ne sait pas du tout comment ça se passe. On sait juste que grâce à vous, on peut faire le maximum et on peut aller le plus loin possible. Viva4life.be pour choisir la musique, pour faire vos dons et vous laisser votre numéro au téléphone, comme ça on se parle cette nuit, c'est bien. On est bien d'accord. Petit souvenir des années 90 dans un petit instant. Oui. Anne Lee, Two Times. Oui. Mais juste avant, nous allons jouer au mix. Oui. Vous avez lancé ce jeu tout à l'heure. Vous prenez des extraits que seul vous connaissez. Nous allons changer maintenant. C'est des extraits de que tout le monde connaît. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire ? On vient de me glisser à l'oreille qu'il fallait un gage pour celui de nous deux qui perd. Je dois essayer d'en trouver au moins 5. Si on a 10, d'accord ? Si j'en trouve au moins 5. On se trouve un gage pour vous. Nous aurons 6 extraits. Mais d'accord. Nous aurons 5 extraits. Donc c'est quoi 5 bonnes réponses. Il y a 6 extraits seulement. Oui, mais celui qui ne trouve pas 5 bonnes réponses, il a un gage, on est d'accord. Non, mais je dois. Alors j'en trouver 3. Attendez, je suis pas. Non, vous devez en trouver 5. Générique. Le mix. La personne l'a dit. Gage si elle n'a pas donné 5 bonnes réponses. Vous êtes prêts? Mais par contre, si j'en donne 5. C'est moi qui ferai le gage. Attention, c'est parti, premier extrait. Alors, il dit quoi, Olivier Gilin ? Moi, je dirais Avicii. C'est Avicii ? Bonne réponse, premier point. Deuxième extrait. Est-ce que la régie serait pas en train de vous donner la réponse dans vos casques ? Malheureusement non, voyez-vous. Et sur ce coup-là, ça m'arrangerait pas mal. Alors, il a pas trouvé. Ça, c'est du Beyoncé, ça. Non, c'est du Nicki Minaj. Oh là, il est tellement 2000, lui. C'était David Guetta et Nicki Minaj. Parce qu'on est en train de me dire, c'est David Guetta. Non, c'est David Guetta. Écoutez, avec Beyoncé, j'étais quand même beaucoup, beaucoup plus proche. David Guetta et Nicki Minaj, vous parlez à un ancien de Fun Radio, s'il vous plaît. Je l'ai passé 12 fois par heure chez Fun Radio. Un ancien de Fun Radio, c'est quelqu'un qui a plus de 13 ans, ça. Oh, je vous jure, c'est n'importe quoi. Allez, vous n'êtes qu'à une bonne réponse, Olivier. C'est déjà pas mal. Nouvel extrait. Oh, ça, je connais. Ah oui, mais vous connaissez, mais c'est plus quoi que c'est, mais je connais, hein. Alors attendez, ça vous allez me laisser un court instant. 3, ça, 2, c'est Maître Gims. Ah ouais, il a donné Maître Gims, effectivement, bonne réponse. Ouais. Deux bonnes réponses. Je rappelle que si il n'y a pas 5 bonnes réponses, n'importe quoi en fait. J'ai fait de la route pour venir, moi, monsieur. Allez, nouvel extrait. All about that bass, ça c'est clair. Oui, oui, ça, c'est donc ça c'est déjà bon. Ça c'est très bien. Meghan Trainor. Là je reviens de loin. Pas mal. Là il y a tout le cerveau qui sert. Là j'espère que vous profitez. Il nous reste encore 2 extraits si je ne dis pas de bêtises. Dans la famille, il n'y a personne qui a vu tout ça. Nouvel extrait. Vous devez donner 5 bonnes réponses, je le rappelle. Je fais ce que je veux. Benny B, attendez, Benny B. Ça commence à sentir un tout petit peu le moisi. Bon, je voudrais pas. Il faut absolument que le prochain soit une bonne réponse. Oui, alors si que vous n'avez pas. Attendez, oui, bien sûr. Attention, dernier extrait. Moi, je suis prêt. Ah ben moi je dis le Boléro de Ravel, les trois quatre premières Olivier. Secondes, ça donne ça. Olivier, l'heure est grave. Ouais, bah ouais, je me doute. L'heure est très grave. Vous avez plein d'amis ici, moi pas encore, mais ça va venir. Olivier est en plein jeu, il doit donner 5 bonnes réponses, il lui en reste une. Mais comme on donne 5 bonnes réponses, on va rester sur le chiffre 5. Vous avez 5 secondes chrono. Pour faire quoi ? Pour donner l'interprète de la chanson qu'on écoute maintenant. Si vous ne l'avez pas dans les 5 secondes, vous aurez un gage. L'interprète de la chanson là, c'est pas une chanson, c'est de la musique. Attention, il faut arrêter, parce que je suis fatigué même pas à ce point là. Olivier ! Dernier extrait. Bah faites. 3, 2, 1. Perdu ! Nicki Minaj ? Encore ? Ben oui, on aime bien Nicki Minaj. Ah oui, ça semble-t-il. Hein. Eh oui, du coup. Si elle veut venir chez moi, il y a du minage à faire. Hein, y a pas de problème. Voilà. Hein, il y aura... Comme ça, au moins, elle me servira quelque chose, elle. Dans un instant, gage d'Olivier. Gage, évidemment. Hashtag gage d'Olivier sur Twitter. Vous proposez ce qu'on doit faire à la personne. Et dans quelques minutes, nous allons vous faire réaliser le gage que les internautes vont proposer sur Twitter. Oh, mais il n'y a personne qui écoute, hein, j'espère. Voilà. Montrez que vous êtes là. Oui. Hashtag gage d'Olivier sur Twitter. On vérifie vos messages dans un instant. On fait ça, effectivement, mais on incite tous les auditeurs à nous faire un petit don, à jouer avec nous au mix. Hein. Je crois que voilà la cause. Oh, vous avez perdu votre micro, c'est pas de chance, je vais en profiter, ça. Attendez. Restez bien dans le coin, Olivier. Le gars arrive dans un instant. Avant ça, il y a Annie Two Times qu'on va écouter dans quelques secondes, mais on va prendre la direction de notre salon, bien agréable, dans ce cube de verre ici, sur la place de la Digue à Charleroi, avec le groupe Eve qui est avec nous. Vous nous faites un nouveau mashup, les gars ? Oui. Alors, on va juste allumer vos micros pour qu'on vous entende. Voilà. Test, one, yes. Two, check. Paris, Bordeaux, Toulouse, Le Mans, on vous entend. Check. Allez, nouveau match-up de Eve qui est avec nous en direct à suivre sur la Une en télé et sur viaforlife.be. Il faut y aller maintenant, les gars. Charleroi, si tu poses la question, où ici? Glad I got sunshine in the bag. I'm useless. No, for long the future is coming on. And happy, feeling glad I got sunshine in the bag. I'm useless. No, for long the future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Coming on. Finally, someone let me out of my cage. No, time for me is nothing, cause I'm counting no age. No, I couldn't be there. No, you shouldn't be scared. I'm good at repair, and I'm on the rich net. Intangible, bet you didn't think, so I commend you to panoramic view. Look at making all men. Pick and choose, see the loose, only living crews. Pick and choose, who you think is really kicking tunes? Give me a reason to love you. Reason to be, I just wanna be a man. I'm so tired of playing. Playing this is bow and arrow. Gonna give my heart away. Leave it to the other girls to play. From this time and shame, we are looking at a different picture to this new frame of mind. Dozen flowers could bloom. Life is to know the definition for what life. Price is for you because I put you on a hat. You'd like guns, guns, smoking bright in my song. Just persist with this one, girl. When happy, feeling glad I got sunshine. In the bag I'm useless. No, for long the future is coming on. And happy, feeling glad I got sunshine. In the bag I'm useless. No, for long the future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Coming on. Excellent, le groupe Eve en live. Applaudissements pour Eve. J'aurais pas fait mieux. Est-ce que vous avez reconnu les... Non. Je suis fatigué aussi. Non. Est-ce que vous avez reconnu les titres? Sometimes. Non. En fait, c'est quoi ça? Je lui ai demandé. Gorillaz. Gorillaz. Excellent projet Gorillaz d'ailleurs, avec tous des clips qui sont faits en dessin animé. C'est juste une tuerie ce groupe. Exactement. Et l'autre c'était ? Et c'était Portishead avec Glory Box. Ouais, joli. Joli. Voilà, voilà, superbe titre. Terrible. Merci d'être avec nous. Vous restez encore un petit peu ? Allez. Bien sûr, avec plaisir. Je vous rappelle qu'on a lancé le hashtag défi gage d'Olivier. Olivier a perdu au mix. Il y a un instant, il devait reconnaître des extraits. Il n'a pas marqué assez de points. Non, alors, pourtant, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. Il y a eu. Monsieur. Oui, mais voilà, raté. Il y a eu le hashtag gage d'Olivier sur Twitter. Et alors, j'ai sélectionné le défi lancé par François. Sur Twitter, François, il a dit. François, on a ses coordonnées, tout ça. Je peux le retrouver facilement, je veux dire. On va essayer de le contacter après 4 heures. Pourquoi pas? On va lui demander son numéro. François, oui. Il a proposé Olivier que tu fasses le tour de la place de la digue en Gangnam Style. Gangnam Style. Ah ouais. Et autant dire qu'un gars qui fait Gangnam Style tout seul sur la place de la digue pendant la nuit, on n'est pas à l'abri qu'on vient de vous chercher. Ça, c'est très clair. Et donc on va, oui, on va faire ça. Hein. Et ben après 4 heures du matin, Olivier Gillin sera à l'extérieur de ce cube de verre. On est d'accord, peut-être pas toute la place. Un défi, défi. Vous allez faire toute l'enceinte du cube de Via for Life. Attention, ça peut toujours à tout moment se retourner contre vous. Vous ne contrôlez pas tout. Moi, je n'ai pas le droit de sortir de ce cube. On vous retrouve après les infos de 4 heures, Olivier, à l'extérieur de ce cube pour faire le tour de la place en Gangnam Style. En attendant, voici la demande qui a été faite sur viaforlife.be. Anneli Two Times, c'est Manuel de WEM qui nous a donné 200 euros pour écouter ce morceau. Toudou, toudou, toudou, toudou, toudou. Ce qui permet de chanter avec. Eh ben, j'aurais pu le faire. Je ne l'ai pas fait et je le regrette. Et vous êtes passé à côté de beaucoup de pognon. Hein. Ah, une montre en or. Hein. Elle en a vendu des disques Annie clair, Two Times à l'époque. Dans un instant, nouvelle heure de Viva for Life. On compte sur vous, bien sûr, encore et toujours. Il reste 15h15 minutes tout pile. C'est beau ça, 15-15. On compte sur vous pour faire vos dons. VivaForLife.be. Vous choisissez la musique. La musique que vous aimez, vous avez envie de nous la faire écouter, de la partager avec tous les auditeurs. Faites-le maintenant. Après, il sera trop tard. Profitez peut-être de la nuit. Il y a moins de demandes pendant la nuit, donc vous avez l'occasion de passer plus facilement. Vous laissez votre numéro de téléphone. Comme ça, on fait un petit peu de radio ensemble ce soir. VivaForLife.be. Dans un instant, le groupe Eve reste avec nous. Et nouveau mashup à découvrir. Olivier Gillin réalisera son défi. Peut-être. Le tour de la place de la digue en Gangnam Style. Oh, ça va être beau tout ça. Ça arrive après les infos de 4 heures. VivaForLife. Avec nos partenaires. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Aurès soutient Viva for Life. Quatre heures, merci d'être... François Német avec vous. Bonjour à tous. Ce matin, dernier comité de concertation de l'année, le gouvernement fédéral et les entités fédérées, régions et communautés autour de la table. Les dossiers sont nombreux, notamment retour sur l'accord climat conclu la veille de la COP21, le sommet climatique de Paris, et donc sur les engagements belges à l'horizon 2020. Vérification notamment si le gouvernement fédéral et les régions ont vraiment tout bien balisé et négocié. Après, il sera aussi question à nouveau de la réforme fiscale du fédéral et ses impacts sur les finances régionales, ainsi que notamment l'avenir des financements des hôpitaux, autre conséquence de la sixième réforme de l'État. Dans le secteur des soins de santé, toujours, accord signé hier pour 2 ans entre les médecins et les mutualités. Ce compromis garantit la sécurité de tarifs pour le patient qui consulte un médecin conventionné. Les honoraires médicaux, par exemple, ne seront pas indexés. Yacine Sali, cet homme écroué pour avoir décapité son patron et attaqué un site gazier en Isère, dans le centre-est de la France. Il s'est suicidé hier soir dans sa cellule en région parisienne. Le trentenaire avait été placé en détention provisoire fin juin 2015, après avoir été inculpé pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, enlèvement et séquestration en vue de préparer un assassinat, mais aussi destruction ou dégradation et violence volontaire. Yacine Sali a toujours contesté en garde à vue toute motivation religieuse, ce que pense la justice. Cet attentat déjoué la semaine dernière à Orléans, en France, une attaque qui avait pour cible les forces de l'ordre. 2 personnes ont été interpellées et inculpées samedi dernier. Ils étaient en contact avec un Français djihadiste présent en Syrie. L'enquête doit maintenant déterminer si cet homme en Syrie était le commanditaire. Cette trêve de nouvel an en Ukraine, conclue entre Kiev et les rebelles pro-russes, elle a débuté à minuit heure locale, suite à un dernier accord à Minsk. Cette trêve pourrait mettre fin aux accrochages meurtriers survenant régulièrement dans l'est de l'Ukraine. Football, le Sporting de Charleroi a signé hier soir une victoire importante à Moucron Pérouet, 0-1. Le Sporting remonte à la 7e place, à 1 point seulement du top 6. Il est 4 heures passées de 2 minutes. Retour de l'info dans 1 heure. Très bon début de journée à notre écoute. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. De 2h à 6h avec Cyril. 4h03 et nous sommes en direct avec vous sur la Une en télé, sur le livecenter rtbf.be, viaforlife.be, et je ne suis pas tout seul, c'est une nuit spéciale avec l'équipe de Vivacité. Très spécial. Il y a Olivier Gillin qui est là. Effectivement, c'est n'importe quoi cette c'est soirée. C'est un peu n'importe quoi. Mais une soirée avec du n'importe quoi, c'est une bonne soirée. Quand c'est même. Une excellente soirée. Et alors, il n'y a pas que du n'importe quoi, parce que c'est vrai, il y a vous, mais il y a aussi le groupe F qui est là et qui fait des mash-up. Un petit peu le niveau. C'est ça, heureusement qu'ils sont là. Ce qui n'est pas on les retrouvera dans un instant pour un nouveau mash-up. Dans quelques minutes, le défi, Olivier. Oui, mais je n'oublie pas. Hein. Et je viens d'apprendre alors que techniquement, il n'était pas possible que je cours à plus... Enfin, que je cours. Ne nous énervons pas. Ouais. Que je bouge à plus de 10 mètres du cube. Tant pis. Je ferai le défi et tel qu'on me l'a demandé. D'accord. Y a pas de problème. C'est technique, c'est pour les caméras en télé. Voilà, vous pouvez tourner en rond, tel un petit poney sur une fois. On m'a demandé un tour. Je ferai volontiers un tour de 10 mètres. Très bien. Oh là là, là ce sera à suivre dans un instant. Là là. Mais avant, il y a un invité. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a des gens qui arrivent en pleine nuit dans ce cube. Oui, bien sûr. Oh, mais alors attendez, mais c'est le Père Noël. C'est son heure, Bernard Dewey, parce que d'habitude, il est là la nuit. Comment ça va, Bernard? Ah, bah oui, il est frais, lui, attendez. Ah, bah il a l'air en forme en plus, souriant, tout ça. Mais en même temps, Bernard, il a l'habitude. Il est là toutes les nuits sur Vivacité. Mais oui. Et on m'avait dit qu'il avait grossi, c'est pas vrai? Enfin, je veux dire, pas trop. Bienvenue, Bernard. Installe-toi autour de la table, prends un micro. Voilà, ça fait des années qu'on n'a plus fait de radio ensemble. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Oui, chez moi aussi. On a mangé beaucoup de tartelles. Tu es en jeune d'ailleurs, la preuve. Voilà, c'est vrai. Et on n'a pas fait que manger. Et là, toutes les nuits sur Vivacité, Bernard, ça va, c'est pas trop dur, t'as encore une vie? Non, ça va, ça va. D'ailleurs, non, il n'a plus de vie. Ici, hein. Je fais la grasse mat, genre une demi-heure de plus chaque nuit. Ah, oui. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Oui. Attendez. On te retrouve à partir de 1h du matin, tous les soirs. Voilà, à partir du 4 janvier, après, hein, parce que... des vacances quand même. Bah il faut profiter. Comment un ça peu ça sinon... un petit peu de vacances quand même. On lui, Cyril, on lui a donné... pas concerné. Vous n'êtes c'est votre première année hein, pour la RTBF. Vous n'êtes pas concerné. Avec de la chance. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans évidemment, cette équipe. Évidemment. Merci d'être avec nous. On va passer un bout de nuit ensemble. On va se faire des mix encore tout à l'heure. On va volontiers. Jouer avec nous pour ça via forlife.be. Vous faites un don. Vous laissez votre numéro de téléphone et on fait de la radio ensemble tout au long de la nuit. 4h05. On va écouter un petit peu de musique. Ça vous va? On est là pour ça. On est là pour partager la musique. Avec plaisir. Alors c'est un morceau qui a été demandé sur UFORLIFE.be. King Crimson, ça parle à qui ça? King Crimson, je suppose. Même pas, même non. Pas. Eh bien, si ça se trouve, c'est parce que je vous avoue que en lisant le titre comme ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais si ça se trouve, c'est un morceau, on va dire ah oui, ah, oui. Prononcez autrement, peut-être. Et peut-être pas. Alors découvrons-le. Hop. Viva for life. Non. On est dépanné. Hein, non. On écoute ce que vous voulez. Viva4life.be, vous faites vos dons. On compte sur vous. On a besoin de vous. Même tout au long de la nuit. Montrez que vous êtes encore éveillé. Set the straight man to the late man. Where have you been? I've been here and I've been there. I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not. Magnifique flûte jouée en live par Olivier Gilien qui était avec nous autour de la table. Et le petit tambour joué par Bernard Dewey. Très belle musique. Petit tambour. C'est mon petit tambour. J'aime beaucoup ça. Le petit tambour, Cyril. Mais c'est un vocabulaire d'un autre temps. C'est, on lisait ça dans les livres quand on était petit. Vous n'avez jamais fait du tambour? Non, pas du petit tambour. Lui, il tape sur les fesses, non, lui, monsieur. Dude, mais ça va, mais. Ah, oh, mais vous dévoilez tout. Vous savez que Vive for Life, c'est une action où tout le monde se mobilise. Les Carolos sont généreux, mais toute la Belgique est hyper généreuse. Toute la Belgique vient participer à Vive for Life. Oui, oui, oui. Et oui. On a reçu cette semaine les radios de la RTBF. Il y a l'équipe de Pure FM qui est passée nous voir. Classique oui. 21, Musique 3. J'en ai pas oublié. Bah, certainement, mais enfin, c'est pas grave. Allez, et la première, pardon, la première voilà, évidemment, avec Walid qui était là. Hier, c'est l'équipe de Fun Radio qui est venue nous voir. Et attention, je vais vous passer un petit jingle. Ça va vous dire quelque chose, peut-être. Mais alors, pas du tout. Mais on ne voit pas. Non, on n'a jamais entendu ça parce qu'on écoute que Vivacité. Arrêtez, vous avez Bruno, Boulou. Et nous avons le directeur d'antenne de Bel Airtel qui est avec nous au téléphone. Bonjour, Bruno. Bonjour à tous. Salut, Bonjour. Bonsoir, enfin, bonjour. Je ne sais pas ce que je veux dire. Parce que, je ne sais pas. À cette heure-ci, on se dit salut. Comme ça, il n'y a pas de risque. Alors, comment se fait-il que le directeur d'antenne d'une radio concurrente. Il a du cœur. Oui, est dans sa télé à 4h du mat. Ce n'est pas, aujourd'hui, nous ne sommes pas une radio concurrente. On est d'accord. Pour cette opération, nous ne sommes pas concurrents. Je crois que c'est une belle opération pour aider les enfants. Je crois qu'on n'est pas concurrents dans des cas pareils. On est aujourd'hui solidaire d'une opération qui est 360 degrés au niveau des radios, que ce soit Bell, Énergie, Contact, la RTB. Je crois qu'on est tous solidaires sur cette opération. Et aujourd'hui, je rentrais d'une belle soirée avec des amis j'entendais mon ami Olivier Gilien qui était à l'antenne et je me suis dit tiens je vais lui donner un petit coup de fil lui dire voilà je vous écoute je rentre de cette soirée et 4 puis, heures du matin un mardi est-ce bien sérieux on est mercredi peut-être on peut se tromper un débriefing d'une grosse soirée en plus. Bruno t'étais de la région de Charleroi aussi et moi je suis de Charleroi je suis un pur Carolo et donc voilà quoi. Eh ben, ça fait plaisir d'avoir le soutien des autres radios parce qu'effectivement il n'y a pas de concurrence dans ces moments-là. Non. Et d'ailleurs Bruno, comme tu es directeur d'antenne de Bel RTL, je vais te lancer un défi. Ah et voilà, c'est parti. Il est chaud, hein, il est chaud boulette. Qui est à l'antenne à cette heure-ci sur Bel RTL? Alors à cette heure-ci, normalement, ça doit être une diffusion des best-of des grosses têtes de la saison. À quelle heure il y a quelqu'un en direct? À 4h30. Alors, à 4h30, on va essayer de se connecter sur Bel RTL. Je voudrais que, enfin, tu nous dises à quel moment on peut le faire, mais que l'animateur qui sera en direct tout à l'heure fasse un petit clin d'œil et lance un appel au don aussi sur Bel RTL. Voilà. Alors, c'est Vincent Maréchal qui sera là à 4h30. C'est Vincent Maréchal. Je dis, il n'y a pas de connaissance. Et puis, il fait un petit coucou en disant voilà, vous écoutez Bel RTL ce matin, mais pensez à aller sur viaforlife.be parce que la musique a du cœur, on la partage ensemble, faites un petit don. Voilà, il fait un petit truc comme ça. Et on surveille. Les auditeurs Bel RTL, on saura qu'ils ont aussi un grand cœur. Bon, on a un grand cœur, et comme vous en avez un, et dans ces cas-là, comme je le dis, et je le dis souvent, il ne faut pas avoir de concurrence, de dire c'est l'une ou l'autre radio, c'est très bien ce que vous faites et on sera à côté de vous pour essayer d'apporter notre soutien. On peut écouter. On récupère l'enregistrement, 4h40, on diffuse l'extrait, on rediffuse Bel RTL tout à l'heure. Avec un grand plaisir. Eh ben c'est super. Merci Bruno de nous avoir appelé. Et en plus, juste un petit clin d'œil. Parce que je vous connais tous les deux personnellement. Mais oui, parce que l'extérieur. Ouais, je me souviens de Bruno. Et ça me fait rire. Je me souviens de Bruno quand j'avais 17 ans, il m'a accueilli à l'époque sur Bel RTL comme réalisateur. C'est à cause de lui. C'est Bruno qui m'a appris la réalisation sur les grosses machines. Parce qu'avant ça, j'étais sur une autre radio avec des plus petites machines. Mais sur les grosses machines, c'est Bruno qui m'a appris. Donc merci Bruno. Voilà. Merci Bruno. Une grande famille. Et puis on s'en verra à un endroit à Charleroi et prendre. Alors ça, il n'y a pas de souci. Une bonne bière avec un grand plaisir. Avec plaisir. Une seule. Enfin, ouais. Il n'y a pas de souci. Bruno, bonne nuit, faut te reposer. Mais tu nous arranges le truc avec Vincent Maréchal alors. On rediffuse ce qui se passe tout à l'heure sur Bel RTL. Le défi, on veut qu'il soit relevé. Allez, Salut. Ben, j'appelle Vincent. Ok. À bientôt. À l'heure. Salut Bruno. Ah, salut merci, l'équipe salut, de BellRTL. Merci de soutenir. Ben oui, c'est chouette. Toutes les radios jouent le jeu aussi. C'est génial. Parce que cette cause ne concerne pas que Vivacité, que la RTBF. Ce sont les enfants avant tout. 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui ont besoin que vous les aidiez. Et pour ça, il faut faire un don. Viva4life.be, vous choisissez la musique, vous donnez quelques euros et on écoute la musique que vous avez envie de partager. Viva4life.be, on écoute les Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Et puis juste après, on retrouve le groupe Eve qui est avec nous cette nuit pour passer la dernière nuit dans le cube sur la place de la digue. Now we're Guns N' Roses dans Viva for Life sur Vivacité, en direct sur la Une en télé et en direct sur le Live Center vivaforlife.be avec Bernard Dewey qui est avec moi en studio. Ça va bien Bernard? Mais ça va Cyril. C'est en plein dans toi. J'adore la voix que tu as. Merci. C'est une bonne grosse voix. J'aimerais bien avoir une voix comme ça parce que c'est impressionnant. Mais non, j'ai une voix de canard. Donc, mais ça peut. C'est pas vrai. Sur un malentendu, quand on est un peu bourré en fin de nuit, ça peut plaire. Et puis, il excuse aussi, c'est à faim. Hein, donc, c'est un petit peu normal. C'est vrai. On est un peu vaseux après une semaine, quasiment 6 jours. Exactement, 6 jours, 6 nuits qu'on passe dans ce cube. Et nous sommes pour le moment à 14h54 minutes qu'il reste encore à passer à l'intérieur. Alors, Bernard, t'as eu de la chance parce que t'es arrivé après que le défi était lancé tout à l'heure à Olivier. Gillin. Donc t'aurais pu perdre ce défi, mais non, tu es arrivé au bon moment. Olivier Gillin, qui est en direct de la place de la Digue, il y a un défi qui a été lancé par François, qui nous écoute et qui est avec nous au téléphone. Bonsoir François. Je ne vous entends pas très bien, je passe sous un pont, je suis désolé, hein, ça va, oui, ça ne va pas. François, aller. Ça va bien? Ça ne va pas être possible. Ça va, bonsoir, je ne sais pas si on doit dire bonsoir ou. On ne sait jamais. Parce qu'à 4h du matin. C'est le monsieur qui a trouvé le défi, on ne se dit rien. François, en fait, on ne se dit absolument rien, on devrait déjà avoir accroché. C'est tu vous nous, dire. Tu nous suis sur Vivaforlife.be et t'es en direct sur Twitter et tout à l'heure j'ai lancé un gage, le hashtag gage d'Olivier, et tu as réagi, tu lui as proposé quoi comme gage? Ouais, alors je lui ai proposé de faire le tour de la place de la Digue en faisant le c'est une super idée, c'est une super idée, voilà. Ça on va se connecter avec l'émission et tout. Mais ça évidemment, hein, alors, je suis bien connecté avec l'émission là, je le sens bien. Olivier, je suis pas sûr qu'il est très content, mais voilà. Tu, non. Oh là là, il est ravi, toujours content, il est ravi. En plus je crois que c'est le premier soir où il pleut. C'est génial. C'est génial. Tu ne sors jamais. Il est déjà plu hier soir, il y avait du vent. C'est vrai, mais oui. Vous êtes dans des meilleures conditions. Je dormais. Oh super. Ah mais je le prends bien alors. Olivier, mettez-vous en position de cheval pour faire le Gangnam Style. Ouais, mais attendez, je vais voir s'il y a pas 2-3 personnes qui seraient intéressées de le faire avec moi, évidemment. Il cherche le cheval. Mais ah oui, je cherche un cheval. Il faut pas vraiment un cheval, hein, Olivier. Il y a les gars de la sécurité. Vous voulez venir faire un peu le cheval avec moi? Mais attendez. Mais attendez. La sécurité. La sécurité. Là, j'ai 3 auditeurs qui sont venus vous voir, Cyril. Je vais m'en servir. Il y a Manu qui vient toutes les nuits. Manu, viens faire Manu. Le cheval. Bonsoir. Et la sécurité, hop, Gangnam oui. Style, les gars. Allez, attendez. Quelqu'un de costaud, quand même. C'est quoi ton prénom? Dylan. Dylan, hop là, tu fais le Gangnam Style. Et alors? Muriel. J'en ai déjà 3 ici, ils sont déjà tout chauds. Hein. La sécurité, les 3 là, on va discuter. On va faire le Gangnam Style. Alors attendez, je vais prendre les prénoms, qu'on sache un peu où on en va, où on y va, pardon. Alors, votre prénom? Damien et Morin. Et est-ce que vous aimez le cheval? C'est une petite question comme ça. Hein. Il y a pas... Oui, venez faire le. Mais venez. Allez, passez c'est la barrière. Vous allez voir ça. Mais passez la barrière. Sautez là. Hein. Comme allez, ça, c'est un échauffement. Il n'y a pas de problème. Venez allez, avec moi. On non, arrête mais... de négocier, on arrête de discuter. Tout le monde sur la place de la Digue. On se fait le Gangnam Style. J'ai François, j'ai Muriel, c'est possible. Et je ne sais plus. Et Manu, Dylan. Qui est là aussi. Et Dylan. Et attention. Dylan. Bon, vous me suivez. Vous me suivez. Je ne vais pas y aller tout seul. J'ai l'impression que vous parlez depuis longtemps pour retarder. Je fais ce que je peux, monsieur. C'est un écran de fumée, voyez-vous. C'est à suivre en télé sur la Une. Attention. Mais ne le rappelez pas. À 4h22. Oui. À Gangnam Style suivez-moi, en direct suivez-moi, de la place de la Digue. Ouais. C'est parti. Mais rapide. Gangnam Style. Ouais. Oh, hey, attendez. Il y en a un qui essaye de le dépasser. Arrêtez de rire. Muriel. Il faut pas le rater celui-là. Vous vous faites dépasser là, attention. Mais je sais, mais je t'ai. Ah, on a l'impression d'être sur un champion là. Mais sur un vieux. Surtout, là. Je fais encore profiter, je fais mon dernier tour. En plus, il y en a un qui a. Il y en a un qui a fait. Oui. Ça arrive, j'ai bon, allez, ça va. Bravo, Olivier. François est toujours là? Le tir, c'est dans l'ordre. Toujours là. Je ne vous aime plus. Je regarde le live en fait, mais c'est un peu en décalage. Donc, oh, c'est pas de chance. Ça va arriver chez vous. Ça, c'est vraiment mais pas voilà. De bol. Non, mais je viens de voir, il n'y a pas beaucoup de monde, mais... On est quand même sur de la belle étalon. Quel beau cheval. Comment ça, il n'y a pas beaucoup de monde? Ah oui, bel étalon. Merci beaucoup, Olivier. Ah, on se connaît quand même. François, bon. On dit que le défi est réussi? Ici, tout à allez, fait. Bah super. Merci François. Bravo Olivier. Merci François de nous suivre en direct sur viaforlife.be. Salut François, à bientôt. N'hésitez pas à réagir tout au long de la soirée. Le hashtag viaforlife sur Facebook, sur Twitter. On discute ensemble. Et puis on se marre, on fait les cons à la radio en direct parce que c'est ça aussi viaforlife. On s'amuse, mais derrière, on n'oublie pas qu'il y a des enfants qui comptent sur nous pour récolter un maximum d'argent. 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie. C'est 1 sur 4 qui est dans la pauvreté. Et pour ça, vous devez faire un don. viaforlife.be. Pendant que vous allez choisir les morceaux que vous avez envie d'écouter, on va aller du côté du salon. Bernard, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Il y a un groupe qui déchire, qui est là depuis tout à l'heure, qui s'appelle Eve et qui fait des mash-ups. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Nouveau mash-up en live? Oui, on est prêts. Bien sûr. Allez, vous auriez dit non, on aurait été dans le caca. On y va, c'est parti, on vous écoute. Il y a des sons qui rentrent dans la cagnotte. On va la refaire. Les micros sont pas. Il y a quelqu'un qui t'a frappé et qui t'a fait. Est-ce que tu veux. T'as peut-être un bleu. Tu veux qu'on vienne te soigner parce que t'as eu mal visiblement. Alors les micros fonctionnent pas. Est-ce que c'est possible d'allumer les micros de tout le monde? Le micro du bassiste. C'est, ah non, bah, toujours pas. Est-ce que tu es toujours branché? Ah, la voix est là. Ici la voix. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah, là, merci, la voix. Il est très loin. Voilà, tout fonctionne. Allez. Il y a les sous qui tombent ici. Et on va péter les compteurs. On est riche pendant ce temps-là. Et vous faites les malins, vous avez des bruits d'argent, mais moi aussi j'en ai. Hein. Ah, oula. Alors, c'est qui le meilleur? Oui, mais les nôtres sont en rythme. C'est toute la différence. Ok, respect, je vous laisse chanter. Anonyme. Ah non, on n'entend plus Jean. Décidément, il y a un problème de micro. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Laurent Garnier. Le temps de régler le petit souci technique. Bah, c'est ça d'être en direct hein, depuis 6 jours, 6 nuits. Forcément, de temps en temps, il y a des petites choses qui tombent en panne. Et pendant ce temps-là, il y a un coucou à la boîte aux lettres. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, c'est quoi ton prénom? C'est Joël. Joël, tu viens de mettre combien dans la boîte? 20 euros. Mais merci Joël de passer en pleine nuit sur la place de la digue. Salut Joël. Salut. Voici Laurent Garnier, Crispy Bacon. Et juste après, le live de Eve qui est avec nous dans Via for Life. Mélodie, Laurent Garnier. Hein. Incroyable, pour un coiffeur. Bah oui, ça se chante, ça se danse. Crispy Bacon à l'instant sur Vivacité, c'est bien for life. Merci parce que c'est un don qui rentre. Et comme quoi, quand on vous dit qu'on passe toute la musique, même ce qui est un peu répétitif, légèrement, on le passe, il n'y a pas de problème. Oh, c'était répétitif, oh bah alors. Oh, si peu. Oh bah vous êtes exigeant. Il n'était pas griffé pour un vieux chef. C'est peut-être ça. On a vérifié que le disque n'était pas cassé. Il y a peut-être un problème. Vieux for life.be pour faire vos dons. Olivier, Gina, oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous partez. Parce que je remonte sur mon cheval. Je vais vers ma maison. Mais non, Il faut aller reposer le cheval. Ah bah attendez, pauvre bête. Hein. Merci Olivier. Bien pris. Allez, ciao. Bonne nuit. Bon courage. Bernard Dewey, tu restes en. Bien sûr, moi j'ai un quiz série pour toi. On va faire ça dans quelques minutes. On va vite aller à la boîte aux lettres. Il y a Manu qui est la Manu toutes les nuits. Entre 4h et 5h, il vient nous faire un coucou. Salut Manu, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Bah bien, t'as pas trop froid là sous la pluie dehors? Non, ça va. Non, ça va. Alors, t'es venu comme tous les soirs. T'as quelque chose à nous dire ce soir, Manu? Ouais, je voulais vous remercier. Attends Manu, c'est nous qui te remercions. T'es venu tous les jours donner des sous dans la boîte à dons. Ouais, mais ça, on s'en fout. Enfin, je veux dire, ça a été un plaisir pour moi de venir ici tous les soirs, un peu comme si j'étais avec vous. J'ai apprécié ça. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Bah, ça nous fait super plaisir, Manu. En tout cas, t'es un gars super. Manu, pour ceux qui n'ont pas suivi les nuits précédentes, il est passé par des difficultés. Sa maman l'a beaucoup aidé, l'a beaucoup soutenu. Et il a décidé aujourd'hui, alors que ça va mieux, de venir tous les soirs donner quelques euros dans cette boîte aux lettres ici sur la place de la Digue à Charleroi. Et c'est des gens comme ça qui font que le compteur demain, quand on va le découvrir, on espère le voir plus gros que l'année dernière. 2 100 000 euros l'année dernière. On espère faire mieux demain. Et tu y auras contribué, Manu. Merci beaucoup de passer nous soutenir toutes les nuits, c'est super sympa. Et une fois de plus, pour la dernière fois cette nuit, tu vas mettre quelques sous dans la boîte à dons. C'est super sympa, voilà, tu le fais en direct à la télé. Merci beaucoup Manu. T'es quelqu'un de bien et puis on te souhaite bonne chance pour la suite et puis à très bientôt. Tu fais partie de cette aventure Via for Life, t'es avec nous. Pardon ? L'année prochaine on t'enferme dans le cube avec nous, hein, parce que comme tu viens tous les jours. Salut Manu, à très vite. Un plaisir, merci. On va retrouver le groupe Eve qui est dans le salon de ce cube Via for Life. Est-ce que tous vos micros fonctionne maintenant? Oui, 1, 2, 3. Parfait. Eh bien, on vous écoute, c'est parti. Eve qui nous fait un nouveau mashup en live ce soir sur la une et sur viveforlife.be. Reach out and touch faith. Test. Excellent, le groupe Eve en live en ce soir, cette nuit, sur Vivacité. Merci beaucoup les gars, c'est super sympa, c'est top. Merci ce qu'ils font. Et tout ce que vous venez d'entendre, bah, c'était évidemment en live, hein, que des Merci. Instruments. Et la guitare que vous entendiez, c'est moi qui la jouais. Je le dis, j'ai suivi les cours tout à l'heure de guitare. On a fait le playback. Exactement. Merci beaucoup les gars, vous restez encore, vous partez, comment ça se passe? Vous restez dans le coin? On va rester, on compte mettre un peu de thunes dans le jukebox. Ah, c'est oui. bien ça. Ouais, eh ben, on vous retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup d'être avec nous. Bernard, oui, qui est là. Cyril. On se fait un quiz dans un instant, tu as préparé un quiz. Il est devant moi. Mais j'espère que tu ne seras pas seul quand même, parce que pour trouver quand même les génériques de séries, c'est bien d'être plusieurs. On va le faire avec l'équipe de Eve. Voilà, venez autour de la table, on se fait un quiz. Donc c'est des génériques qu'il faut retrouver, c'est un blind test série. Exactement. On va faire ça dans quelques minutes. Après Téléphone, Un autre monde. C'est Luc de Tubize qui nous a demandé d'écouter Téléphone. Il a donné 10 euros. Merci beaucoup Luc. Faites comme lui. Viva4life.be pour choisir la musique. Vous partagez la musique qui a du cœur. Vous faites vos dons et vous aidez un enfant sur quatre à Bruxelles en Wallonie qui vit sous le seuil de pauvreté. Et ces enfants ont besoin de sortir de la misère. Ce n'est pas normal de grandir sans avoir une belle vie. Téléphone, un autre monde. C'est un morceau qui a été choisi sur vivaforlife.be. N'hésitez pas, pendant qu'il y a quelqu'un de l'équipe de Vivacité qui est sur la place et qui vient juste faire un coucou et qui s'en va. Salut à Lucas qui bosse en coulisses et qui va aller se reposer cette nuit parce qu'il a beaucoup bossé. Vivaforlife.be pour continuer à choisir la musique. Vous faites vos dons et pendant que vous faites ça, on va se faire un petit quiz avec Bernard Dewey que vous entendez la nuit entre 1h et 4 et 6h même. Et 6h, oui. Entre oui. 1h et 6h, tu es là et tu as préparé un quiz sur les séries. Oui, alors je sais pas si vous êtes bon chez séries, que ce soit toi, Cyril et vous. J'adore les feux de l'amour. J'adore. Oh là là, on est mal barré alors. Il n'y a pas les feux de l'amour. Vous êtes plutôt quoi, 80, 90, années 2000? Alors en ce qui me concerne, MacGyver, dans un autre style, 24 heures chrono, ouais, les experts, tout ce qui est un peu policier, j'aime bien. Bon, le groupe F va jouer avec nous. C'est quoi le. On va voir, pardon? Le prisonnier. C'est le le prisonnier. Bah je dis rien. Hein. Ah, le prisonnier dedans. C'est bien parce qu'en fait, avec tout le groupe, on brosse à peu près toutes les générations de séries. Bon, bah, c'est pas pour rien que je vous ai fait venir parce que sinon. A connu les fraises lumières, c'est ça. Il faut. Ah oui, il est con. Alors, on se fait ce blind test, on y va. Bernard. On va commencer par une série assez récente d'abord. Écoutez bien. Bah, on dirait Ocarina qui joue dans le métro, non? Arabesque? Non, je rigole. Aucune idée? Alors là, pas du tout. Est-ce qu'à la boîte, vous avez une idée? Vous reconnaissez le générique de la série? Aidez-nous. Ah, vous n'entendez pas? Non, pas d'accord, de retour, pas trop. Ouais, ça, on dit ça quand on n'a pas la réponse. Moi non plus, j'entends pas bien, Bernard. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un problème avec mon casque. C'est une série policière? Non, c'est une série fantastique plutôt. Adaptée d'un roman de Stephen King. Ah, les 4 fantastiques! Non. Bien essayé. Il y a tellement de séries adaptées. Je pense qu'on l'a pas celui-là. C'était Aven. C'est la série Les Mystères d'Aven. Justement, regardez. Eh bah oui, et pour vous y aider, j'avais mis le t-shirt. Alors, en plus. Ça vous avez, a pas aidé, vous avez le t-shirt. Voilà, exactement. Il y a quelqu'un, on m'informe qu'il y a quelqu'un qui veut nous aider pour ce blind test. Alors. Salut. Salut. La voix, comment ça va? Ça va. Ah, oh, elle est si belle celle-là, la voix. Oui, merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir que vous soyez là, la voix. Oui. Vous nous aidez pour ce blind test parce qu'on galère un peu. Je ferai tout aujourd'hui pour vous. Oula. Oh, attention, la voix. On y va. Alors, deuxième extrait. Bon, justement, les séries policières, toutes ces séries-là, ça devrait aller normalement, Cyril. Alors, c'est bon. FBI porté disparu. Non. Comment? Non, FBI, esprit criminel. Esprit criminel, bien. Ah, bah oui, bien sûr. C'est la même chose. Merci quand même. T'es trop forte, la avec voix. Avec plaisir, merci. T'es génial, je t'offrirai un bonbon après. La drague en direct en plus. Bon, encore une série adaptée d'un roman de Stephen King, peut-être plus célèbre que l'autre. Écoutez bien. Le personnage principal s'appelait Johnny. 4400. Non. Mais non, c'est pas de Stephen King. Pas, moi, Stephen King. Je donne des séries au hasard. La voix? Shining. La peste. Comment? C'est trop difficile. Mais oui, c'est super Shining. Difficile. Comment? Non, la voix dit c'est trop difficile. Au cas où, c'est pas le nom de la série. Dead Zone. Dead Zone. Eh oui, Dead Zone. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais, bon, alors, plus facile alors maintenant. Plus facile. Écoutez plutôt. Anthony va trouver. C'est dur. Je sais. Non. C'est Chips, non? Oui, Chips. J'adorais Paul Cherello, bien sûr. Ah oui. On l'écoute. Pourquoi est-ce que j'allais trouver? Qu'est-ce que j'avais? Tu peux aller faire le Gangnam Style sur la place. Voilà, le son est pourri, on va arrêter. On va rester. Bah oui, c'est années 80 et donc c'est un peu normal, hein, c'était mono à l'époque. Vous avez les séries après les années 2000 ou... Il y en a. Bah oui, mais on les a pas. Hélas, elles ne sont pas mélangées là pour l'instant, mais ça va venir. Et puis de toute façon, Esprit Criminel, c'était quand même 2000. Oui, hein, non, c'est vrai. Okay. Allez, bon, alors là, années 80 aussi. Alerte. Non, c'est pas non. Ça. Il y a le début d'Alerte à Malibu, mais ça change après. C'est presque. Pas. Ils avaient des beaux costumes rouges. V. Ouais, exactement. Voilà. Merci le groupe Eve qui est avec nous. On se fait encore un extrait puis on écoute une petite chanson, Bernard. On fait ça et là on va remonter bien avant les années 80. Oh bah je pose le casque. Alors là. Ça c'est pour Demi. Siri est encore même pas né. Dimitri, c'est là, mais c'est ça. Le prisonnier. Oui. Mais quand il tape sur la table, il est fâché. Alors on entend le rap. Il est fâché. La voix. Not a number, I'm a free man. Attention, la voix, le groupe Eve est meilleur que toi. Oh bah oui, mais. C'est avec eux que je vais repartir et pas avec toi, la voix. Ouais, mais ils sont quatre aussi, hein, donc. Tu vas déguster. On écoute Tina Arena dans un instant, il met jusqu'à l'impossible, mais avant, il y a un message qui est arrivé. C'est Nelly de Namur qui a donné 100 euros. Merci beaucoup Nelly. Bravo. Et Nelly, elle a laissé un message. Elle a dit: je fais ce don au nom de ma mère qui a 93 ans et qui participe à Viva for Life depuis la première année. Mais merci beaucoup à ta maman Nelly. Nous voulons remercier toute l'équipe et encourager Cyril qui est nouveau dans cette aventure. Dernière ligne droite, vous êtes super. Bah, toute l'équipe est super, hein, parce que Sarah, Sébastien se démènent à fond depuis le début de cette aventure. Toute l'équipe qui est en régie, il y a 150 personnes de la RTBF qui se défoncent depuis le début de l'aventure et puis même avant, hein, parce que le montage du cube ça démarre le 3 décembre. Donc il y a du monde qui travaille. Donc merci à toutes les équipes techniques, toutes les équipes de la télé, toutes les équipes de la radio, du web, voilà, toutes les équipes qui sont là pour Via for Life. Donc merci à eux. Et alors Nelly, comme je peux choisir un morceau, bah, j'aimerais bien, je vais demander à la régie un truc très compliqué. Attention, défi pour la régie, parce que je sais pas s'ils vont y arriver. Il va falloir utiliser plusieurs boutons. J'ai demandé si on peut passer un clip du groupe Eve qui fait des mashups. Alors ceux qui sont en télé vont pouvoir regarder le clip, ceux qui sont à la radio vont entendre la chanson. Si ça fonctionne, si la régie est capable de pousser sur trois boutons. Oui, la voix. On sait tout faire ici. Eh ben montrez-le, parce que depuis 6 jours on n'a pas entendu, hein. C'est pas gentil. Vous nous passez le clip? Ok, vous comptez jusque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ils sont trop forts en régie. Allez, c'est parti. Ah non, mais il y a eu un début, mais ça s'est arrêté. C'est comme le truc Monet tout à l'heure. Ça. Il y a un faux départ, c'est parti. La régie, ça marche? Vous savez faire play? Ah, voilà, c'est parti. Ah bah non, c'est presque parti. On revient après en direct. On y va. Le clip de Eve qu'on a regardé en live sur la une, qu'on a écouté à la radio. La version complète, ça change de ce que vous avez fait. Là, c'est la version acoustique que vous avez faite ici, parce que bah, y a l'équipe qui dort, il y a Sarah et Sébastien qui sont en train de faire dodo juste au-dessus. Donc la batterie, on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Non, en non pas du tout. Et donc là, c'est la version avec toute l'équipe, quoi. Voilà. Exactement, ouais. C'est la première vidéo qu'on a sortie sur YouTube pour présenter le projet. Et il y en a deux autres en préparation. Le compte YouTube, on peut vous retrouver Facebook, hein. Eve Mashup Band. Allez, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment terrible. Vous restez encore avec nous? Merci. Oui, on va faire le petit quiz de Berlin. Bah oui, il y a la suite. Il n'est pas fini. Hein, c'est comme sur un Black Test série. Oui, la voix. J'aimerais faire une dédicace. Et quoi, tu crois que c'est ton émission ou quoi? Non, non, non. Au pantalon d'Anthony. Au pantalon de qui? D'Anthony. La nuit, c'est difficile. Les nuits sont difficiles. Oui, tout à fait. Alors, et pourquoi une dédicace au pantalon d'Anthony? Anthony qui fait partie du groupe Eve. Oui. Toute la régie adore, mais alors, pourquoi... le pantalon d'Anthony, c'était celui avec les trous. Celui qui avait des trous dans son jeans. Dans le clip. C'est pour aérer, oui, c'est en fait. Ça. C'est pour l'aération, ça. Et comme Anthony, c'est notre ami, on voulait faire une dédicace. Ah, c'est gentil. C'est gentil, la voix. Moi aussi, je t'aime. Merci, la voix. Bernard, on continue ce clip, voilà. ce clip, ce défi, blind test. On va bien tomber sur des séries que vous connaissez, hein. Par exemple, celle-ci, écoutez bien. Franchement, quand même. Avec Dylan, avec Brandon, enfin tous les prénoms. Mais Dylan, il était là tout à l'heure. Exactement. Allez. Autre série dans le même style, écoutez bien. Melrose Place. Et un collab. Ah oui, moi ça c'est incollable. Évidemment, Melrose Place, t'es aussi tombé amoureux de peu près toutes les actrices. Surtout dans Beverly Hills. Lui c'était Amanda, lui. Il était amoureux d'Amanda. Il a toujours été branché MILF, donc. Pas à cet âge-là, j'avais 15 ans. C'était Beverly Hills. On continue avec le groupe Eve et Bernard Dewey, le blind test des séries. Alors là. Walking Dead. Mais oui, bien sûr. Merci la voix, bonne réponse. Remontons dans les années 90. Elles étaient trois. Comment? Charmed. Oui, ah ouais. Exactement. Merci la voix. Allez. Ah, la voix, on sait de qui elle était amoureuse, petite. Ah bah c'était joli aussi. Hein. Ah bah oui, c'est ça. Les poils. Bah on gagne. Oui, de toute façon, on est tous dans la même équipe. On est comme chez, c'est comme chez Jacques Martin, tout le monde va gagner. Voilà. Donc, allez, on continue ce blind test. Allons-y. Ça fait peur cette musique. Ça c'était une série avec un monsieur qui voyait si. Le mentalisier. Non, non. Vous pouvez pas mentir avec lui. Les bisounours. Pardon? Non. C'est pas le mentaliste. Non. Non, le mentaliste, non. C'est un générique. C'était, c'était avec Tim Roth, l'acteur principal. Je s'appelais Tim Roth. Qu'est-ce qu'il avait mangé? Du coca. Qu'est-ce qu'il avait mangé? Sinon, tu ne sais pas. C'était Lie to Me. Ah, Lie to Me. Oh là là. Évidemment. Allez, la suite. Ça, c'est tout nouveau, je ne trouverais pas. Je l'ai mis comme ça pour plaisir. Ça passe sur France 4 actuellement. Pour ceux qui ont cette chaîne. Et 4. Et on remercie Bernard pour cette. Et dans France 4, 4 c'est le nombre de téléspectateurs qui regardent cette chaîne. Du coup, forcément, on n'est pas au courant de cette zombies, série. C'est une histoire de zombies, voilà, c'est bien, c'est amusant. Oh là là. Sinon, alors, vous pouvez faire des extraits de séries que les gens regardent, Bernard. Justement, j'en ai une pour vous. Enfin, attention. Vous ne pouvez pas regarder normalement, on n'est pas la possibilité pendant 6 jours. Elle est passée hier soir en plus sur la une télé. Cette série-là. Moi, je regardez pas la télé. Ah, ça c'est dommage. Et d'habitude, il passe. La voix, c'est quoi la réponse? D'habitude, il part sur le générique. Ah bah, si vous on le savez. On peut faire une épreuve. Bon, si vous... allez. Allez. C'est avec on va donner des indices. Avec une machine qui voit tout. Bernard. Oui, c'est urgence, c'est des radios. S'il ne trouve pas. Avec... une épreuve. On va essayer. Ah ouais, peut-être. Vous savez quoi? Le héros principal s'appelle Mysteries. On va demander de l'aide aux auditeurs sur Twitter, sur Facebook. Vous nous dites si vous avez trouvé la réponse. Dans un instant, on vérifiera si on a le nom de cette série, Bernard. Juste le temps d'écouter Tina Arena. Aimer jusqu'à l'impossible, c'est ce qui a été demandé pour 50 euros sur viaforlife.be. On connaît qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Cet homme m'a promis le toujours. Il s'est enfoui. C'est la couleur de l'enfer. Quand les mensonges salissent tout, je vais tout sombrer sous la colère. Comme un cheval fou. Mais ce qui m'a sauvé, pouvoir aimer. Possible. Jusqu'à l'impossible. Vous aimez beaucoup les enfants, puisque vous êtes nombreux à les soutenir. 80 000 enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. Vous faites des dons, vous continuez à le faire d'ailleurs. Merci beaucoup. Viva4life.be. On était dans un blind test il y a un instant. Bernard, oui. Il fallait reconnaître une série. Est-ce que vous l'avez reconnu? Évidemment, j'ai reconnu. J'ai laissé ce suspense pendant toute la chanson. Il a été regardé sur Twitter, tricheur. Je remercie un auditeur qui a envoyé la réponse sur Twitter. Est-ce que ce serait pas Person of Interest? Mais oui, bien sûr. Bah oui. Merci François. Dommage. Qui nous a envoyé la réponse. Ça déjà un gage pour vous. Allez, nouvelle heure de Viaforlife dans un instant. C'est juste après le journal de 5h. Bon réveil tout le monde, si le réveil vient de sonner. Viaforlife, avec nos partenaires CCML Show, soutient Viaforlife pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Avec le soutien de la Loterie Nationale. Merci d'être à notre écoute. François Némette avec vous, bonjour à tous. Ce matin, dernier comité de concertation de l'année, le gouvernement fédéral et les entités fédérées, régions et communautés autour de la table. Les dossiers sont nombreux, notamment retour sur l'accord climat conclu la veille de la COP21, le sommet climatique de Paris, et donc sur les engagements belges à l'horizon 2020. Vérification si le gouvernement fédéral et les régions ont vraiment tout bien balisé et négocié. Après, il sera aussi question à nouveau de la réforme fiscale fiscale du fédéral et ses impacts sur les finances régionales, ainsi que notamment l'avenir des financements des hôpitaux, autre conséquence de la sixième réforme de l'État. Ce midi, c'est le Conseil des ministres qui se réunira une dernière fois cette année, sans doute avec un ordre du jour allégé. Hier, en effet, plusieurs grands dossiers ont été tranchés. Les caisses enregistreuses, notamment dans l'Horeca, qui vise à lutter contre le travail au noir, désormais obligatoire seulement dans les établissements qui réalisent plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires via la vente de nourriture. Mais aussi, il a été question de 9 milliards qui seront investis à la défense d'ici 2030. Mais aussi, la réintégration des malades de longue durée se fera de manière volontaire et sans sanctions financières, avec aussi un accord sur un recentrage des missions de la police sur ses tâches de base, Birmakos. La principale nouveauté, c'est la création d'un nouveau corps au sein de la police, mais en partie composé de militaires en fin de carrière. Ils seront affectés à la surveillance statique de bâtiments, un peu comme ce que font aujourd'hui les militaires sous le régime du niveau 3 de la menace. Direction surveillance et protection, c'est le nom de ce nouveau corps, accueillera 1220 militaires ainsi que 400 agents qui s'occupent aujourd'hui de la protection des palais de justice et de 40 autres actuellement affectés à la sécurité de l'aéroport de Bruxelles National. C'est d'ailleurs la philosophie de ce projet d'adaptation des services de police. On va beaucoup réaffecter pour pouvoir mobiliser 2500 hommes supplémentaires sur le terrain. Mais le gouvernement entrouvre aussi les ports de la police au secteur privé. Les services de gardiennage pourront collaborer pour la surveillance de certaines zones ou événements. Certains services, comme la gestion des contraventions ou la distribution du courrier interne seront confiés à des sous-traitants. Et puis, la police facturera certains services, comme la surveillance des centrales nucléaires. Quelques économies aussi, comme la réduction à 2 pelotons de la police à cheval, soit 80 cavaliers. Un plan que le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, veut mettre en œuvre progressivement sur 3 ans. Explication de Pierre Magos. Dans le secteur des soins de santé, accord signé hier pour 2 ans entre les médecins et les mutualités. Ce compromis garantit la sécurité de tarifs pour le patient qui consulte un médecin conventionné. Les honoraires médicaux, par exemple, ne seront pas indexés. Yacine Salis, cet homme écroué pour avoir décapité son patron et attaqué un site gazier en Isère, dans le centre-est de la France. Il s'est suicidé hier soir dans sa cellule en région parisienne. Le trentenaire avait été placé en détention provisoire fin juin 2015 après avoir été inculpé pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, enlèvement et séquestration en vue de préparer un assassinat, destruction, dégradation et violence volontaire. Yacine Salis a toujours contesté en garde à vue toute motivation religieuse, ce que pense la justice. Cet attentat a déjoué la semaine dernière à Orléans. Et en France, une attaque qui avait pour cible les forces de l'ordre. Selon Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, 2 personnes ont été interpellées et inculpées le week-end dernier. Les 2 hommes étaient en contact avec un Français djihadiste qui est présent en Syrie. Et les enquêteurs vont devoir maintenant établir si c'était oui ou non cette personne établie en Syrie, le commanditaire de ces attaques. 2 survivants ont été retirés de l'énorme glissement de terrain survenu dimanche dernier à Shenzhen, en Chine. Il a enseveli plus de 70 personnes. Cette nuit, une des deux miraculées a été transportée à l'hôpital et le second grièvement blessé. Il serait toujours en cours d'extraction, cette deuxième personne. En sport, football, Charleroi s'est lancé hier soir dans la course au play-off 1 en s'imposant 0-1 à Moucron-Pérouet. Les Zèbres, pourtant réduits à 10 après une demi-heure, sont à présent 7e au classement. Un petit point de Genk, 6e qu'ils rencontreront samedi. Du côté de Moucron, c'est une mauvaise affaire dans le cadre du maintien et une nouvelle défaite à domicile. La 7e en 11 matchs au total. Un constat qu'a du mal à expliquer, c'est Domir Javensky, le coach, sur lui écouter. Je n'ai pas l'explication parce que j'ai dit, nouveau, on travaille vraiment dur chaque fois et on essaie à tourner cette maladie de la maison pour gagner pour la deuxième fois. Pour le moment, ça ne va pas et on doit croire et on doit rester calme parce qu'on ne doit pas casser notre tête maintenant parce que je sais qu'on a qualité pour faire mieux aussi à la maison. Le coach hurlu au micro de Benjamin De Koning. A noter que ce soir, le Sporting d'Anderlecht se déplace à Lokeren. Il est 5h passées de 5 minutes. Très bon début de journée à notre écoute. Il est l'heure de retrouver le plus beau qui fait la météo de Nicolas. Vous êtes déguisé encore en Père Noël. Aujourd'hui, la grenouille est là. Non, c'est pas une grenouille. Ah, si, c'est la grenouille. Non, c'est pas la grenouille. C'est pas la grenouille. C'est un bonhomme de neige. C'est Olaf. C'est un véritable bonhomme de neige. Magnifique. Alors, qu'on voit sur la une en ce moment. Voilà, comment il s'appelle? Il s'appelle Nicolas. Parce que tout le monde croit toujours que c'est la météo de Nicolas. Voilà, donc je l'ai baptisé Nicolas. Denis, il y en a plein qui m'ont dit. Oui, bonjour. Il y en a plein qui m'ont dit c'est la météo de Nicolas. Alors que c'est Denis Escolar. Voilà. Alors moi je me suis dit quand j'ai trouvé celui-ci qui incarnait un petit peu un hiver, un vrai mon bon monsieur, vous savez, celui où on voit tomber des flocons, oui. Celui où on patine le matin dans la rue. C'est fini ça monsieur, ça n'existe plus. Ça n'existe plus vraiment, donc je me suis dit voilà, ici avant la fin de Viva for Life, eh bien on va monter en puissance. Donc d'abord, eh bien, je vous présente Nicolas. Mais alors attention, Nicolas il parle parce qu'il vient du Grand Nord et c'est promis, prochaine météo là-bas avant 6h, on va faire une météo. Mais alors, météo bien, bien fraîche. Pourquoi ? Parce qu'elle viendra du Canada. Oh, d'accord ? D'accord. Voilà. Bonjour. Hein ? Bon, histoire bonjour, de se rafraîchir un petit peu. Ne me provoque pas maintenant, là. Tu vas atteindre ton tour. Faites-nous la météo avec l'accent québécois, Denis. Tout à l'heure. Ah oui. Ça pose 5h50. Eh bien, on fera là, ça tout à l'heure. Et là, tu vas prendre la poudrerie plein la figure. Sinon, en attendant. On peut savoir quel temps il va faire aujourd'hui ? Ouais, sinon, il fait beau, là. Ah, parce que vous voulez la météo ? Non, ah, c'est bon, ça. Allez, musique, hop. Allez, bon, pour quand même, il y a des gens qui nous écoutent, qui vont travailler sérieusement, eux. Denis, le Gangnam Style, oui. On fera la météo une autre fois. Faites-nous un Gangnam Style. Bah, tiens, Gangnam Style, chez vous. Avec Nicolas. Attention, parce que, il a un point commun avec moi. Gang, gang, gang, gang. Sinon. Faites trop chaud. Bon, mon gamin. On râle pas. Je savais Nicolas, déjà que Denis était fracassé, mais alors, avec l'image en plus, mon Dieu. C'est extra. Puisque à la télé, Denis est en train de montrer effectivement son bonhomme de neige qui est aussi chauve que lui. On fait la météo ou on l'a fait tout à l'heure ? Oui. Non, oui, quand même vous dire quand même en deux mots, qu'il y a quand même un petit peu de bruine qui s'évacue ce matin par le sud-est. Ensuite, on aura de belles éclaircies cet après-midi, côté température 8 à 12 degrés. Et pour la fin de l'opération Viva for Life, eh bien, on aura un temps sec, même si ça se recouvre ce soir. Le vent un petit peu moins tumultueux qu'hier, des petites rafales jusqu'à 40 km à l'heure. Allez! Tout à l'heure, ça fait une météo. Météo avec l'accent québécois tout à l'heure. Et Denis, je vous félicite parce que vous venez de rentrer dans le Guinness Book des records, la météo la plus longue. Félicitations. Oui. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life avec Cyril. Et cette nuit, je ne suis pas tout seul autour de la table, il y a Bernard Dewey qui est là. Oui, pour quelques minutes encore, parce qu'après je vais aller travailler quand même. Ah, on va continuer notre blind test série, une dernière série avec le groupe Eve qui est autour de la table aussi. Ça va toujours les gars, vous vous endormez pas ? Non. Super. La forme. Au taquet. Je remercie Raphaël Skaini qui était dans le cube les années précédentes, qui nous a envoyé un petit message, parce qu'il voit que c'est quand même la fin de la nuit, que ça fatigue un peu. Il a envoyé une capture d'écran en disant, les gars vous êtes au top, ça a l'air d'être l'éclate. Avec, pendant les infos, on a fait une petite sieste. Il s'embête lui à Classique 21, il faut qu'il revienne. C'est vrai, Raphaël, dis-nous, on va appeler Raphaël. Ah oui, ça c'est on va appeler idée. Raphaël dans un instant pour prendre ses nouvelles et savoir ce qu'il fait debout à cette heure-ci. Vous voulez je le donne bah, s'il m'a envoyé un message. Ça c'est une bonne blague à mon avis. Vous voulez après c'est rien. Non, on appelle Raphaël Skaini dans un instant, on continue ce blind test sur les séries Bernard. Quatre derniers et puis je vous abandonne, d'accord ? OK, allez, on y va. Allez, on y va tout de suite. On rappelle le concept de ce blind test. Bernard ne met que des musiques de séries que personne ne connaît. Mais c'est pas de ma faute si vous regardez pas la TV quand même. Bon, ça, c'est la franchise des experts. Je vais vous aider un petit peu. C'est les experts. Laquelle ? Bah, c'est pas Manhattan, c'est pas Los Angeles. New York ? C'est pas New York, mais non, c'est des experts. C'est les nouveaux, là, les cyber-experts. Canada ? Miami. Non. Non, non, non. Mais c'est pas un nom de Charles Roy. C'est cyber. Cyber, voilà. Parce qu'ils vont sur l'ordinateur et tout le bazar. Oula. Et ils trouvent les machins, comme ça, les gens qui essaient on de. On cyber, hein, Anthony. Voilà, voilà. Oh, jolie blague. Oh, le roi de la vanne, Anthony. Mmh. Allez, nouvel extrait. Allez, on y va. Ah, fantastique. Gigi Abrams était derrière cette série. Once Upon a Time. Non. Non, non, c'était avec des mondes différents. Il passait d'un monde à l'autre. Il y avait même d'ailleurs l'ex-monsieur Spock Slider. Qui jouait dedans. Non, non, non. C'était. Non. On ne sait pas. On donne notre langue avec, à Cubi, notre chat. Avec Olivia, la blonde. Ah oui, vous vous rappelez plus. C'était. Et Pessy de Dawson. C'était Fringe. Il était complètement à côté. Il y a Manu qui est dehors, il y a Manu qui est à l'extérieur, qui est à la boîte à dos. Et il fait signe, il dit je le sais. Bah, viens à la boîte, viens le dire, Manu. Mais il n'y a que vous qui ne connaissez pas, les gars, il faut le mettre à la télé de temps en temps. On fait de la musique, on regarde pas la télé. Allez, attention, c'est le nouvel extrait, on continue. Encore un extrait que vous n'avez pas trouvé. Ah, attention. Très court, écoutez. Heroes. Oui, bravo. Chapeau. Et alors, un petit dernier peut-être pour la route. Allez, on y c'est va. Le groupe Eve qui vient de donner la réponse. C'est votre première réponse depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Non, c'est la deuxième. Mais ils en ont quand même trouvé quelques-uns, hein. Attention, ils ont trouvé le prisonnier tout à l'heure. Dernier extrait. Oui, allons-y. Bon, tout le monde va trouver là, franchement. Alerte à Malibu. Bah voilà, dès qu'il y a des filles en maillot, ça y est, ils trouvent. Ça, évidemment, j'étais devant. On me dit en régie 7 à 4. Mais en fait, on n'avait pas d'équipe, on faisait tous ensemble. Ah. Donc on a gagné, on a tous gagné. Tout le monde a gagné, bravo les amis. Alors attends, on a juste pas compris ce que tu disais. Je disais que c'était surtout Bernard contre les autres. Oui c'est ça, voilà. Bernard a essayé qu'on ne trouve donc pas les extraits. Donc je vous ai maté les enfants, je suis très content, je peux rentrer. Merci Bernard d'être passé nous voir dans le cube. Avec plaisir et courage Cyril. Merci, à bientôt. Dans un instant on prend des nouvelles de Raphaël Scani qui envoie des messages, qui se moque de nous. On fatigue un petit peu et il rigole. Mais il y était lui, les deux années précédentes. Pendant ce temps là on écoute I Will Always Love You de Whitney Houston. Ça a été demandé par Jérôme. Il a donné 10 euros pour écouter. Merci Jérôme. Viva for life. I should stay. I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Treat you kind. I Will Always Love You, Whitney Houston, demandez sur viva4life.be. Faites-le, vous aussi, il vous reste 13h56 minutes et 55 secondes pour le faire, puisque tout à l'heure nous sortirons du cube et nous avons encore besoin de vos dons. Il faut soutenir ces enfants qui vivent dans la précarité, ces enfants entre 0 et 6 ans qui n'ont pas une vie qu'ils méritent, et vous pouvez faire changer les choses. Il faut pour ça faire vos dons sur viva4life.be. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui est avec nous au téléphone. Bonjour Raphaël. Bonjour Cyril, bonjour le cube, bonjour les auditeurs. Comment ça va? Mais ça va bien, écoute, je suis en chemin pour aller réveiller les auditeurs de ma nouvelle radio, mais à mon avis, vu le démarrage de Viva for Life en fanfare depuis une semaine, je vais faire de la radio pour moi tout seul dans pas longtemps. Donc voilà. On rappelle que tu étais dans le cube les deux années précédentes et que là, tu es parti sur Classique 21. C'est cool quand on est à l'extérieur et qu'on voit ça de dehors. Mais c'est la première fois, forcément, puisque j'ai fait les deux premières éditions, que je vois un petit peu l'ambiance du cube et à quoi ça ressemble en tant que téléspectateur et auditeur. Et c'est un joyeux bordel, mais qu'est-ce que c'est drôle à regarder. Donc c'est pour ça que je suis en retard. Aujourd'hui, là, je commence à 6h. Vous voyez, il est 5h18 et je vais devoir rouler un petit peu vite. Heureusement, à cette heure-ci, le 23 décembre, il n'y a pas grand monde sur les routes. Donc franchement, c'est rigolo. Je regardais Bernard avec son blind test série, je connaissais aucune série, hein, je vous rassure. Pareil. Mais ce mec passe sa vie devant la télé à acheter des DVD de trucs que personne ne connaît, qu'il n'y a que lui qui connaît. Il va au Canada voir ses acteurs favoris. Ce mec est un dingue de série, mais si vous cherchez un jour un spécialiste, c'est le bon client. Il est le bon client. Raph, tu sais qu'on a beaucoup de messages de gens qui disent que tu manques, t'es passé dans le cube cette semaine. Ça te manque aussi, toi, d'être ici à l'intérieur avec nous? Oh, mais ça m'a fait du bien, honnêtement, j'avais pas envie de sortir, mais voilà, je veux dire, ça fait partie des choses de la vie. À un moment, on a des choix, on a des opportunités qui se présentent, et puis voilà, on prend le chemin avec ce que ça comporte. Et je savais qu'en changeant de radio, malheureusement, il y aurait plus l'aventure du cube, mais de toute façon, ce qui est important, c'est pas vraiment à la limite les gens qui sont dedans, c'est la cause que le cube défend. Et c'est récolter un maximum pour des gosses, parce que comme tu le disais il y a quelques secondes, c'est vrai qu'il y a des enfants qui naissent maintenant sans savoir que leur avenir ne sera pas top. Et comme le dit la pub qui passe à la télé, il faut faire en sorte qu'ils ne s'en rendent jamais compte et essayer. On ne pourra pas tous les sauver, hein. Ça, il faut bien préciser que voilà, Viva for Life ne pourra pas faire des miracles, malheureusement, mais que si déjà là-dedans on peut en sauver quelques-uns et que eux se disent plus tard, quand j'étais gosse, on est venu en aide. Maintenant, je suis adulte, c'est à moi de faire quelque chose. Je dis, voilà, on aura lancé un élan de solidarité, de générosité, qui, je l'espère, durera sur plusieurs générations. Et voilà, et bon, moi, ça me touche de vous voir, de voir Sarah, de voir toi en train de pleurer. J'ai craqué aussi l'année passée. Je veux dire, voilà, quand on est parent et qu'on participe, c'est pas une opération, que ce soit en coulisses pour les gens qu'on ne voit pas, mais qui sont en train d'écouter, ou toi, ou Sébastien, ou Sarah, c'est pas une opération de laquelle on sort indemne. Ça laisse des traces, c'est quelque chose, voilà, toi c'est ta première, c'est une expérience forte, même si tu as déjà pas mal fait de choses avec tes précédentes radios, énergie, fun, tout ça. Voilà, c'est une expérience vraiment, il faut la vivre pour comprendre et pour savoir ce que c'est exactement. Et nous, on la vit en tant qu'animateur encore différemment, parce qu'aujourd'hui on va à ce clos avec ces témoignages hyper touchants, avec la fatigue, avec on ne sort pas. Et donc c'est vraiment quelque chose de... Voilà, ça marque, je pense que ça marque à vie. Sans vraiment exagérer, c'est une expérience qui marque à vie. On ne voit plus les. D'autant plus quand on est parent, on ne voit vraiment plus les choses de la même manière une fois qu'on sort. Et moi, je le vis, j'y pense franchement au quotidien. Et je suis vraiment super heureux d'avoir été parmi les trois privilégiés qui ont vécu les toutes premières aventures. Et voilà, donc moi, qu'il arrive, j'ai pas de regrets, j'en garde un super bon souvenir. Et c'est sûr que ça marque. On peut pas rester indifférent quand des gens viennent nous raconter qu'ils sont dans une misère pas possible. On a une famille qui allait se faire expulser de leur appartement et malgré tout ils sont venus donner de l'argent. On peut pas derrière ne pas ressentir d'émotion quand on voit ça, quand on a des enfants qui ont économisé, qui viennent avec leur petite tirelire. On l'a encore eu hier, des enfants qui ont leur tirelire qui passe pas directement dans la boîte et du coup ils cassent leur tirelire juste devant avec les petits sous qu'ils ont économisés. C'est juste hyper touchant, c'est super mignon. Et c'est vrai que ça nous marque, et de temps en temps, il y a des commentaires qui disent c'est du cinéma, c'est du chiquet, c'est pas non, vrai. Non, c'est, non, c'est non, juste non, que... non, non, non, non, non. J'ai lu des articles à Promir il y a pas longtemps, notamment dans Le Vif, c'était une tribune, je pense même pas que ce soit c'est des pas journalistes ouais, qui c'est avaient ça, rédigé. Ouais. C'est, voilà, c'était même pas un article, c'était une tribune avec deux zozos qui, voilà, qui racontent un peu les doigts du cul, ouais. qu'ils agissent et puis après on en rediscute ensemble. Mais c'est facile d'être derrière un papier de manière anonyme et de dire blabla, blabla, blabla, de casser du sucre. Il y a des mecs qui se cassent le cul, qui investissent et qui arrivent à faire un petit peu. C'est ce que je dis. On va pas tous les sauver, c'est clair. Ça, on en est tous conscients. Mais si on peut lancer un élan de générosité, de solidarité, et que dans les gosses qui auront pu bénéficier du fonds Viva for Life, il y en a quelques-uns qui se disent on m'a tendu une perche quand, enfin, on a tendu une perche à mes parents et à moi, par la force des choses, quand j'étais gamin. Maintenant, je suis adulte, c'est à moi à me bouger les fesses. Mais voilà, je pense que ça, c'est la réussite du projet, au-delà même du simple fait, entre guillemets, de récolter de l'argent. C'est vraiment essayer de mobiliser, de sensibiliser plein de gens et de créer un élan de générosité, de solidarité qui va perdurer sur plusieurs générations. Et ça, c'est le vrai pari de fond de cette opération. Alors, honnêtement, moi, je les emmerde, les mecs qui critiquent. Franchement, je le dis clairement ce matin, je les emmerde. Bah, je me joins à toi pour les emmerder. On les emmerde ensemble. Et par contre, on remercie tous ceux qui soutiennent Viva for Life et qui pensent à ces enfants qui vivent dans la précarité et qui ont envie de bouger les choses avec nous. Vous continuez d'ailleurs à faire vos dons sur vivaforlife.be. Raph, je te fais des gros bisous. Merci. Et puis, à très vite. Et on pense à toi ici dans ce cube. Tu manques à toute l'équipe. Bisous, Raph. C'est de venir vous embrasser ce soir. Bisous, ciao. À tout bientôt, vrai, alors. Ciao. Dans 13h50, on sort de ce cube et on découvrira ensemble le montant de tout ce que vous avez donné. Et il faut encore y aller, il faut foncer, c'est le sprint final. Viva4life.be et voici Girls in Hawaii. Les membres inférieurs Grâce à Laurent Dangler, c'est 30 euros qu'on l'ajoute à la cagnotte Viva for Life. Merci beaucoup Laurent, il a choisi son morceau sur vivaforlife.be. Vous aussi, choisissez la musique que vous avez envie de partager. Il vous reste encore quelques heures pour le faire, 13h44. On arrive tout doucement au bout de cette aventure, mais c'est comme au Tour de France. Vous voyez, les cyclistes au dernier moment, ils accélèrent à fond pour passer la ligne d'arrivée le plus vite possible. Bah, on vous demande de faire pareil. Ensemble, on va vraiment tout donner pour ces dernières heures. Vivaforlife.be pour choisir la musique, pour partager cette musique qui a du cœur. On compte sur vous, les enfants comptent sur vous. Et je viens de voir un message sur Twitter qui dit pourquoi donner puisque nous on bosse toute l'année et il y a une partie de notre argent qui aide les familles qui sont au CPS et tout ça. N'oubliez pas un truc, on a eu beaucoup de témoignages de gens qui sont venus devant le cube qui nous ont dit et je pense à une famille en particulier qui est venue en disant mais voilà, on vient de perdre un boulot et on peut plus assurer financièrement, on sait pas comment on va faire, on est vraiment coincé, on est dans une misère. Il y a une autre famille qui disait bah voilà, accident, des coûts de santé qui sont trop élevés, on peut pas suivre. C'est des aléas de la vie qui font qu'à un moment on est dans une bonne situation et puis du jour au lendemain on se retrouve dans la galère. Il faut y penser et c'est pour ça que vous pouvez, si vous avez la possibilité, bah donner pour aider les familles. Et puis le jour où on vous le souhaite pas, mais le jour où vous serez peut-être dans cette situation là, mais vous serez certainement bien content d'avoir des associations qui vous soutiennent. On donne pas l'argent directement aux gens, c'est des associations qui contrôlent comment est géré cet argent, qui mettent en place des structures pour accueillir des familles, pour financer des activités pour les enfants et les aider à grandir correctement entre 0 et 6 ans. Donc on compte sur vous, on sait que vous êtes généreux et vous le faites super bien depuis le début, mais continuez. Vivaforlife.be. Vous savez que dans cette émission, bah, on parle évidemment de tout ce qui se passe autour de Viva for Life. Il y a des témoignages poignants, mais il y a aussi plein de moments où on passe des bons moments, plein de moments où on se marre, où on chante, on fait de la musique ensemble. Il y a le groupe Eve qui est avec nous cette nuit sur Vivacité, en direct sur la Une, en direct sur le Live Center, vivaforlife.be. Et alors, il y a Fadi qui est là aussi. Et on va se faire un morceau tous ensemble. Un morceau de Marraine, un morceau de Zazie qui nous sortira tout à l'heure du cube dans 13h42. C'est elle qui viendra nous ouvrir la porte et on découvrira le montant qu'on a récolté grâce à vous tout à l'heure en direct entre 19h30 et entre 18h30 et 19h20, pardon, sur la Une avec Laure, Anne-Laure et Adrien. Quelle chanson de Zazie on va faire, les gars? Rue de la Paix. Rue de la Paix. Ah, c'est parti. Alors, attention, on y va. On n'écoute pas déjà à cette heure-ci. Je vends mon auto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon maillot puisque ton et je puise dans la caisse, on a bien mérité de toucher une avance si c'est pour rendre la caisse à la communauté. Je passe à l'action qui t'a monopolisé l'attention et rester quelques tours en prison. Je vends tout ce que j'ai contre tout ce qui me manque. À peu près. Je vends ce qui s'achète contre ce qui n'a pas de prix. Excellent. Eve, le groupe Eve qui fait des mash-ups habituellement avec Fadi à la guitare. Alors, on ne montrera pas ça à ma reine tout à l'heure parce qu'elle ne sera pas contente. À propos de Zazie, il y a le défi Zazie qu'elle a lancé sur Facebook, le hashtag défi Zazie. Vous écrivez le nom de personnes qui vous sont chères sur votre main et puis vous prenez en photo, vous postez avec le hashtag défi Zazie sur Facebook. N'hésitez pas à le faire. Voici Phoenix, Run, Run, Run qui a été demandé par Patrick qui ajoute 20 euros à la cagnotte du Viva for Life. Merci Patrick. Business calls me, trouble down the waterfront. You know I tried to, now I'm running out of lies. It's a clear view when all you eyes getting paid. No more favors, I know what we can do about it. I think I better run. c'était Phoenix, peut-être pour vous réveiller à 5h40. Vous écoutez Vivacité, c'est Viva for Life. Pendant encore 13h, 34 minutes, 15 secondes. Dès 6h, c'est Sébastien Delevaux qui arrive s'il se réveille. Parce que c'est vrai que sur la fin, on commence tout doucement à avoir du mal à se réveiller quand notre réveil sonne pour enchaîner et se relayer tous les trois avec Sébastien et Sarah. Mais on continue, on tient bon avec vous. Et vous tenez bon parce que vous êtes hyper nombreux à nous suivre. Il y a des gens qui viennent à la boîte pendant la journée pour nous dire bah, je dors 3 heures par nuit parce que je regarde et on essaie de se faire le défi avec vous. Bah, c'est super sympa. Merci beaucoup à vous. Et tout à l'heure, on découvrira le montant qui aura été récolté grâce à vous, tout ce que vous avez donné. Et vous continuez d'ailleurs à donner sur viva4life.be. Le groupe Eve est autour de la table. On est toujours là. Merci les gars, vous tenez bon. Parce qu'à un moment, c'est logique si vous vous endormez. Non. C'est sympa de tenir jusqu'au bout. On en a un qui nous a quittés. La voix, normalement, va nous lancer un défi. Est-ce que la voix est parmi nous? Oui, je suis là. Bah, coucou la voix. Hello. La voix, c'est quoi le défi? Alors, c'est un blind test. Ouais. Et vous allez devoir reconnaître les animateurs de Vivacité. Ouh, alors, il y a des anciens, il y a des nouveaux, il y a des journalistes, il y a un peu de tout. Il y a des futurs, vous imaginez? Oui, pourquoi pas. Voilà, devinez le nom des prochains animateurs de Vivacité. Ah. Ok. Vous êtes prêts? Si on vous dit non, vous faites quoi? Ben, je donne les consignes. D'accord. Parce qu'il y a un gage. Encore? Oui. C'est quoi le gage? Pas encore du Gangnam Style. Hein, quand même. Tout à l'heure, on a fait faire le tour de la place de la Digue ici à Charleroi à Olivier Gilin à l'extérieur. Il est parti d'ailleurs après. Oui, oui. Oh, épuisé. Donc, hein. Tant qu'Eve est là, autour de vous. Oui. Ils ont un bouchon normalement dans leurs mains. On peut le voir? Vous savez, on va le mettre? Non, je rigole. Je suis Jawa. Ouais, le bouchon est là, ouais, d'accord. Donc, ils ont un briquet. Ouais. On peut le voir. Oui, alors on est en train de le montrer à la télé sur le Live Center, voilà. TVF.be. Super. Voilà. Avec le briquet, on brûle un peu le bouchon. Oui. Et à chaque erreur, on fait un point sur le visage. Oh là là là là. Ça brûle en plus, ça fait un peu mal quand un même. Petit peu. Ouais, ouais. Vous d'accord. Bon, ben on va se concentrer, on va essayer de donner les bonnes réponses. Hein. Je vais surtout me taire. Ouais. Ouais, mais aidez-moi, hein, aidez-moi. Ouais, là, ça va voilà. Être dur. Hein. Premier extrait, vous êtes prêts? On est parti. Oui. Okay. Jean-Marie-Antoine, bonjour. Merci Jean-Marie, bonne fête de Saint-Nicolas à vous. Jean-Marie-Antoine à tout hasard. Non, non, ça c'est l'auditeur. Moi, alors sais. On le retrouve tous les week-ends, c'est Serge Van Hallowayne. Ouais. Je me disais aussi que c'était facile ce blind test. Alors, il n'y a personne qui est brûlé dans ce cas-là. Attention. Si le groupe Eve. Non. Vous êtes prêts pour le deuxième extrait? Bien sûr, on est prêts. Ok. Bonjour Coco. Extrait. Merci Coco. C'est tout? Oui. Juste on bonjour. Peut bonjour. Oui, c'est très court. Attention, attentif. Bonjour Coco. Merci Coco. Ah mais il est plus ici. C'est Thomas Van Ham. Ah ben oui, juste Thomas Van Ham, effectivement. Bonne réponse. Il a commencé à perdu. On a donné les réponses. Mais non. C'est pas lui. Toi tu as perdu. Ah oui, toi t'as perdu. Parce que on est l'un contre l'autre. Ah ben oui, tu n'as pas compris. Oh non. Allez, c'est parti. Donne ton visage. C'est bizarre cette phrase. Allez, donne ton visage. C'est dégueulasse. Arrêtez de rigoler de mes phrases, c'est vexant. Ouais, mais attends, il est en train de brûler. Donc, Anthony s'approche. Ah, c'est brûlant. Il tend le bouchon et fait une tache j'ai sur un petit le point. Visage de Cyril. Oh. Ah, bah ouais, j'ai un beau point là. Ah là là là, c'est beau ça. Je vais sortir dans la rue comme ça. C'est parfait. Attention. On dirait un dalmatien qui a perdu quelques points, mais un dalmatien quand même. Encore un nouvel extrait? Bah oui. C'est parti. Il y a Catherine qui nous dit « Moi, je ne prends que du vrai et du bio. Les beurs de cacao tels que le labello de sont à base d'agents qui glissent plus facilement sur les lèvres. Encore le vrai beurre de cacao Joël Sève. Non, c'est pas Joël Sève. Ah, ouais, peut-être bien. Joël Sève, oui. Bon, Marnac. Ah oui, la sœur de Jean-Michel. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Vous travaillez où? Ben, je travaille sur Vivacité, c'est vrai. Ben voilà. Mais depuis juillet, les amis. Ah ouais, ben nous ah on oui, est au courant. Tu travailles sur Vivacité? Si vous. Pas. Voilà, on rajoute des points. Ça t'aime bien, Anthony, hein? T'aimes bien faire des petits points. Nouvel extrait? Ok, c'est parti. On passe souvent Noël en famille et puis de temps en temps, on s'en va s'amuser un petit peu. Stéphanie de Monaco. Moulin Rouge et ici, Christelle Lemaire va nous parler de. Et en plus, je la connais. Oui. Ah, voilà. Elle aussi, elle te connaît apparemment. Ça, allez, c'est parti. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Non, non, non, parce que attendez, on parlait en même temps dans le casque, j'ai rien entendu. Ok, ben on mauvaise foi. Mauvaise foi, ça fait deux points en plus. Voilà, je suis déjà à trois points de bouchon noir sur le visage. On dirait un dé. Dinky Winky, Dipsy, Dipsy, la la la la. Po! Po! voilà. Cyril. C'est la nouvelle télé régionale d'ailleurs, à Tubize. Attention. Télé-Tubize. Fais-lui un point, sur le visage parce que là il est quand même. Hop là. Alors la voix, nouvel extrait. Brûlé. Ok, nouvel extrait. Et c'était qui, vous avez pas la voix, t'as An pas donné la réponse. An Irak. An Irak. Bah il l'avait dit. Vous ne l'écoutez pas ? Ben, non, je ne vous écoutais pas. Tous les soirs, entre 20h et 23h sur Mons. Donc, en Irak, et la prochaine réponse, ce sera en Égypte ? Non, non. Très bon. Ah là, ça mérite un point, ça. Mais non, mais arrêtez. Il est trop tôt. Là, nouvel extrait, la voix. Oui, c'est bon, c'est quand on fait une épilation totale chez un homme et qu'on est bien fourni d'une fille. On l'a eu au téléphone tout à l'heure. Disons les choses comme elles le sont. Est-ce qu'il y a une méthode spéciale pour. Parce que je me dis, c'est un endroit hyper sensible qui doit faire super mal, franchement. Comment ça fonctionne ? Exact. C'est notre copain Raph qui était dans le cube les deux années précédentes. Bien vu. Vous pouvez faire une tâche sur Eve. Je peux faire une tâche sur Eve. Oui, c'est vengeance. Mais rebrûle un peu parce que ça fait plus assez de marque. Je reviens de brûler. Ah, tu viens de le brûler. Ok, alors j'arrive. Allumé. Pourquoi c'est moi ? Ah oui. Ah, vous avez dit un point, hein ? Oui. J'ai jamais été très bon en géométrie. Ah bah dis donc. Ça promet. La voix, il y a encore des extraits ? Oui, il y a des extraits. On va aller un peu plus vite parce que c'est un peu simple. Ok ? Voilà, c'est parti. On l'a dit à maintes reprises, Edith Piaf a rencontré beaucoup d'hommes dans sa vie. Beaucoup qu'elle a aimé, beaucoup avec qui elle a travaillé. Pierre Collard-Bovy. Je l'ai dit d'abord. Mais non, alors si, tu as dit Monsieur Pérex et moi j'ai donné le nom. Donc le point, il est pour moi, on est d'accord la voix. Un demi-point oui, chacun. D'accord, allez, c'est parti. Ah, non, on c'est bon. On a un extrait, ok ? Allez, on y va. Patrick Lefebvre réplique à ses accusateurs. Le c'est un imitateur de Michel Bouvard. De Philippe Bouvard, pardon. Michel Daniel Bouvard. Pétry. Ni formellement être au courant. Ah non, c'est la réponse de Eve. C'était bien Daniel Pétry. Oh, pas sûr. Bon, je mets le point. Ouais. Joli. Alors. Il faut aller vite pour mettre le point. Et continuez, mettez un extrait suivant, la voix, si vous en avez encore pendant ce temps-là. En forme du lundi au vendredi, c'est ce qu'on appelle chez nous une femme totoute. Et puis bon week-end déjà. Ah, c'est quelqu'un qui dit bon week-end. Et ça, c'est très gentil. Déjà, c'est quelqu'un de très poli. Mais la voix, vous nous dites qui c'est ? Si, il a animé le TikTok il y a très longtemps. Dominique Buchen. Ouh, bien vu. Mais ça, c'est pas du jeu. On joue avec des gens qui travaillent chez Vivacité depuis 15 ans, les gars. Mais j'étais pas né à cette époque-là, les amis. Hein. On arrive au dernier extrait. Ouais. Alors il est hyper connu. Bah dépêchez-vous de mettre cet extrait parce qu'après il n'y a plus de place sur mon visage pour mettre des traces noires. Première chute dans le peloton. Bien joué. Alors ça, je suis pas d'accord parce que j'allais le dire. D'accord, on vous laisse le point. C'est gentil. Ouais, ça va. T'es déjà assez joli comme ça. Forfait, on ne peut pas. Alors, vous pouvez voir ça en télé sur la une, sur le live center vivaforlife.be. Alors déjà, quand en normal, je ressens pas à grand chose, mais alors là, c'est terminé. Je ne ressens plus à rien. On dirait un Carolo qui travaillait dans les mines ici, dans la région à l'époque, en fait, hein, tout simplement. Ils ont bossé dur et ressortaient avec le visage noir. Voilà, c'est en hommage à tous les Carolo de l'époque. Merci la voix. Merci à vous, j'ai passé de super moments, c'était cool. C'est vrai que c'est le dernier moment où on vous parle, la voix. C'est triste. Ah oui. Ah bah oui, c'est triste, la voix. Qu'est-ce que vous allez devenir pendant un an, la voix ? Ben, je vais vaquer à mes occupations, je vais retourner dans mes contrées. Et c'est quoi, vos occupations pendant l'année ? Je travaille pour les gens. Ça c'est dingue, moi aussi. Est-ce que vous passez chez les gens de temps en temps, juste au téléphone, vous dites « Allô, c'est la voix ?» Voilà, c'est ça. C'est ça que vous faites. Je passe des petits coups de fil, mais je réconforte les gens, c'est sympa. Ah bah c'est super gentil. Merci la voix, j'ai passé des super nuits avec vous. Merci, moi aussi. À bientôt la voix. Bisous. Il y a quelqu'un au téléphone, allô, bonjour, qui est là ? Bonjour, c'est Muriel. Bonjour Muriel, comment ça va ? Ça va très bien. Vous avez un peu fatigué. Un peu fatigué, vous avez passé la nuit devant la télé ? 5 nuits. 5 nuits ? Oh bah, c'est super gentil, Muriel. Ouais, et alors, super fatigant, surtout. Ah bah, ça, surtout pour nous. Je vous le dis pas, mais ça, c'est super sympa de nous suivre pendant toute la semaine. Alors, Muriel, vous avez demandé une chanson, c'est laquelle ? Chaque fait ce qui lui plaît. Wow. Ah, chagrin d'amour. Oh, oui. Vous avez connu un chagrin d'amour, Muriel ? Ouf. Au taquet. Oh, beaucoup. Plein. Racontez-nous. Je peux vous consoler ? Oh, non. Vous faire un câlin ?

Ça colle, c'est, regardez, c'est liquide. Il n'y a pas de problème, tu peux t'en mettre plein. Et alors, pour une poudrerie en Belgique, pour avoir un foutu, un maudit hiver, il faudra encore attendre jusqu'à l'année 2016. Parce que là, on n'est pas encore rendu. Et aujourd'hui, là, oui, t'as 12 degrés, t'avais encore la pluie là, la nuit du réveillon, mais pas de problème pour aller ouvrir le bocal tout à l'heure, là. Tu vas pas en sortir tout frais, tu vas pas en sortir gelé, t'auras pas le facteur éolien qui viendra te faire tchic-tchic au bout du nez, là. T'auras pas les intestins négatifs, mon gars, moi je te dis, ça va être pas moule. De Nicolas, vous êtes un grand malade. Je vous le dis. Ah, mais je sais bien, je sais bien. C'est pour ça qu'on me confine à la maison. Ils ont dit, tu restes dans ta cabane là-bas, elle te veut pas. Elle te veut pas la ville. T'auras qu'à aller voir, t'en kiffer. Merci Denis pour cette météo avec l'accent québécois. Et vous avec étiez... Nicolas, hein, c'est Nicolas, Nicolas oui, c'est votre, mon copain. Votre bonhomme de neige que vous nous montrez en ce moment à la télé sur le Live Center. Merci Denis, on vous retrouve tout à l'heure. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Machine de James Brown, c'est 20 euros de plus qui rentre dans la cagnotte via 4Life. Merci pour ce don de Anne-Marie qui nous a demandé ce titre sur via4life.be. Le groupe Eve était avec nous pendant toute la nuit. Merci beaucoup, les gars. Ah, on s'est bien amusé. On a passé des super moments, merci, c'était top. Merci d'avoir passé cette nuit ici. Je vais faire un tout petit coucou à Vincent, notre batteur habituel qui nous écoute depuis l'autre bout de l'Atlantique. Salut Vincent. Salut Vincent. Il était à New York pour l'instant. Salut à toi sur le Live Center via4life.be. Comme c'était la dernière nuit qu'on a passé ensemble dans ce cube, je voudrais, c'est pas prévu, mais je voudrais que toute l'équipe qui est en régie derrière lâche toutes les commandes. Je vais maîtriser tout seul pendant les 30 prochaines secondes. Venez ici derrière, venez parce que vous avez assuré, les gars, pendant toutes ces nuits, parce que c'est toute une équipe qui bosse. Et merci à Bernard, merci à Marcassou, Muscardin, voilà. Merci à Aurore, merci à toute l'équipe qui bosse. C'est qu'une petite partie de l'équipe qui est derrière moi, parce qu'ils sont hyper nombreux à bosser et à nous aider, parce que tout seul on n'arriverait pas à faire cette émission. Il y a 150 personnes qui bossent sur via4life, et s'il y a eu des trucs de dingue pendant toute la nuit, bah c'est grâce à toute cette équipe de malades qui est ici autour de moi. Merci beaucoup à vous. Bah oui, vas-y, viens Fadi. Il y a la caméra qui est juste là, et Renaud fait super bel ascenseur, regarde. Vas-y Renaud, fais l'ascenseur. Vous suivez ça en live sur le Live Center, c'est très impressionnant. Merci beaucoup. Alors, Viva For Life, c'est pas terminé, on continue, on est encore là pendant 13h, 15 minutes, 20 secondes. Seb, ça va, tu prends le relais ? Aujourd'hui, c'est une journée importante. Ben oui, exactement. On bouffe le chat. Dans un instant, le journal de 6h. Viva For Life, avec nos partenaires. CCML Show soutient Viva For Life, pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Avec le soutien de la Loterie Nationale. Ce 24 décembre, Olivier Gilin s'invite à votre réveillon de Noël. Bonjour, c'est Olivier Gilin. Attention, il est un peu tatillon sur la déco. Le sapin est là, les boules aussi. un petit chant choral, le tout saupoudré de neige. Voilà, on peut y aller. Mais pour l'ambiance, faites-lui confiance. Je vous souhaite un très joyeux Noël sur l'Université. Viva Noël, ce 24 décembre, dès 19h. Le réveillon que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Boire un vin rouge dans un chalet au plaisir d'hiver ou voir la vie en rose dans les boutiques du centre-ville, les fêtes seront colorées à Bruxelles. Rejoignez le centre avec la STIB.